Vite à notre goût, on a aujourd'hui encore pas mal de nuages sur un trois quarts sud du pays. Il y a quelques éclaircies plutôt sur l'ouest. La tendance aujourd'hui, ça va être un ciel quand même assez plombé, 10 à 15 degrés. On aura de la pluie, tiens, dans la nuit de vendredi à samedi, donc la nuit prochaine. Et cette pluie nous quittera demain matin, laissera la place ensuite à quelques éclaircies. 15 à 18 degrés, ah, ça devient déjà beaucoup mieux au niveau des températures. Mais c'est dimanche que on va vraiment profiter d'une très très belle journée derrière saison avec des températures qui iront entre 14 et 19, voire même localement 20 degrés. Dans 8 minutes, c'est vous qui le dites, mais dans l'immédiat, Viva 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La Wallonie fait de la résistance face au CETA. Ouais, sauf surprise, les députés wallons vont voter d'ici quelques heures contre ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un rejet applaudi par les agriculteurs qui craignent que le CETA tue l'élevage et les cultures en Wallonie. Avec le CETA, on sait bien qu'on va rivaliser avec des fermes de 320 hectares en moyenne. Et en région Wallonne, on a une moyenne de 56 hectares. Donc, il n'y a pas photo. Il y a des normes environnementales, bien-être animal, qui ont été votées, évidemment, qui ont été demandées par l'Europe. Et maintenant, qu'on sera sur le marché avec des produits canadiens dans lesquels les normes sont vraiment pas les mêmes, qui sont plutôt des normes à la baisse. Philippe Duvivier de la Fédération des éleveurs et des agriculteurs, des craintes que ne partagent pas du tout. Mais alors là, pas du tout Vincent Reuter, le président de l'Union Wallonne des entreprises. Il se fâche tout rouge. Pour lui, la Wallonie se tire une balle dans le pied. On organise une belle mission économique au Japon. Et en même temps, on vient dire, ah ben non, on ne va pas signer un traité avec le Canada. Le Canada, hein, pas une république bananière quelconque. Mais un pays aux standards démocratiques élevés, avec des normes sociales, environnementales et des normes concernant les services publics élevées. Mmh. Tout qui est déjà allé au Canada le sait. Mais et le Canada n'a pas de leçon à recevoir à la Wallonie, je pense, dans ces domaines-là. La Wallonie va être la risée de l'Europe, c'est clair ça, pour ne pas parler du Canada. Et je le répète, pour des fondements très très très discutables. Comment se fait-il que 27 États... Ou alors, ils ont des parlements et des gouvernements composés d'ahuris inattentifs et incapables de lire des traités. Ou bien, ils ont une autre lecture que celle qu'on a en Wallonie. Le président de l'Union Wallonne des entreprises, interrogé ce matin par Bertrand Haine. Comment sortir de l'impasse? La question taraude le Premier ministre depuis le début de la semaine. Les négociations sur le budget et surtout sur les réformes structurelles à venir patinent. Le Conseil des ministres du jour est reporté. Charles Michel préfère poursuivre ses entretiens en tête-à-tête. Le temps presse puisque le gouvernement doit remettre sa copie budgétaire à l'Europe pour lundi. Les fossoyeurs du cimetière de Forêt, festoient au milieu des tombes. Oui, un comportement choquant et des photos qui le sont tout autant. Elles sont dévoilées ce matin dans la dernière heure. Lionel de Neubourg, que reproche-t-on à certains ouvriers communaux? Des comportements particulièrement glauques, un barbecue à quelques mètres des tombes ou d'autres jeux macabres sur une sépulture. Sur l'une des photos, on voit un ouvrier tout sourire, un crâne en main. C'est un des collègues qui en a eu ras-le-bol et qui a dénoncé les faits. Lionel, combien d'ouvriers sont concernés? Ils sont quatre, dont un ouvrier a déjà été suspendu. En attendant l'examen de son dossier par le conseil communal, ce sera mardi prochain à huis clos. Pour les trois autres, les procédures disciplinaires sont toujours en cours. Alors, l'effet remonte à plusieurs mois. Comment expliquer que personne n'a rien vu? En fait, le cimetière n'est pas situé à Forêt, mais bien sur le territoire d'Alsemberg, à 5-6 km et une vingtaine de minutes en voiture avec les bouchons. Voilà sans doute l'une des explications pourquoi c'est passé inaperçu. Et en plus, le site est particulièrement grand. Marc-Jean Geissels, le bourgmestre de Forêt. C'est un cimetière qui fait 23 hectares, donc qui est vraiment très très vaste. Donc voilà, il y a peut-être une difficulté de surveillance avec les distances et peut-être on doit certainement au départ de ce problème, repenser l'organisation du cimetière et de la méthode de travail. Le bourgmestre de Forêt, joint ce matin par Véronique Fievet. Un tiers des candidats ratent leur examen de policier. C'est beaucoup plus qu'avant. Les règles ont en fait changé. Dorénavant, il faut obtenir 12 sur 20 dans chaque branche pour réussir. C'était 10 sur 20 avant. Ces mauvais résultats sont enregistrés dans les cours pratiques, théoriques, ainsi que dans le port et le maintien d'armes ou le sport encore. Ce constat, pas toujours simple de capter l'attention des enfants à l'école. Mais non, écoutez, le prof toute la journée, c'est parfois un petit peu lourd, mais quand on apprend en jonglant ou en jouant à l'équilibriste, c'est tout de suite un peu plus fun. C'est ce que propose le cirque Géroget, un cirque pédagogique qui s'arrête dans de nombreuses écoles. Les élèves apprennent à monter un spectacle et à travailler ensemble. Marianne Brillo a assisté aux répétitions avec les élèves de l'école fondamentale du Sacré-Cœur de Tournai. Sous la tente, dans le froid et pendant 4 jours, les élèves jonglent, sont au trapèze, marchent avec une assiette sur la tête. Et quand on se trompe, eh bien, on recommence. Je vais faire le cerceau avec la corde à sauter. Et je dois suivre le mouvement, mais c'est un peu compliqué. Mais avec les entraînements, ça va y aller. Je vais savoir le faire, j'en suis sûre même. Bah, il faut bien sauter, bien écouter. C'est très dur. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur ? Faire le clown. Tu fais jamais le clown, toi ? Si, en classe, mais sinon, non. L'entraide, la persévérance et surtout beaucoup de discipline au programme. Hervé Georget dirige les entraînements. On a besoin des costauds, des un petit peu plus forts. On a besoin de la petite crevette qui va monter là-haut pour faire la voltigeuse. Ça explique bien qu'on a besoin vraiment de toutes les compétences pour arriver à quelque chose d'exceptionnel. C'est forcément un investissement pour l'école et pour les parents. 45€ le stage pour un élève. Et pour les enseignants, le cirque devient un outil très utile, comme pour Madame Julie qui soutient ses élèves depuis les gradins. Je vais utiliser certaines méthodes qu'ils font. Je crois que parfois on ne valorise pas assez nos élèves et on ne leur dit pas assez. Tu peux le faire, je sais que tu vas y arriver. Et vraiment les pousser à se dépasser d'eux-mêmes. Au bout de l'effort, un spectacle ce soir avec lumière et costumes colorés dans le chapiteau installé encore pour quelques heures dans la cour de l'école. Un reportage de Marianne Brillo. L'actualité dans le monde et des milliers de Thaïlandais qui vont se rassembler pour accompagner la dépouille de leur roi. Le roi de Thaïlande, le plus vieux roi du monde, est décédé hier. Il était vénéré dans son pays. Il incarnait le ciment de la nation. Depuis hier, des millions de Thaïlandais ont revêtu du noir. Le pays a décrété un deuil national d'un an. Et puis le sport, le championnat de football reprend ce soir. Charleroi reçoit Bruges pour ouvrir la 10e journée de championnat. Charleroi voudrait évidemment confirmer son très bon début de saison, mais Bruges reste sur 3 victoires consécutives et les Zèbres n'ont plus gagné face aux Brugeois à domicile depuis 20 ans. Alors est-ce enfin le bon moment pour les Carolos ? Christophe Reculé a posé la question à l'entraîneur Felice Mazzu. Ils sont dans une spirale positive. Après, Ostende aussi était dans un moment très positif quand on a gagné chez nous. Je pense que chaque match a sa vérité, chaque moment de la saison a sa vérité. Ils ont eu une trêve pour bien se préparer, on a eu une trêve aussi pour se préparer. Donc voilà, y a pas, moi je ne suis pas dans la réflexion entre dire c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Il y a 15 jours ils étaient moins bien, aujourd'hui ils sont bien. On va aborder le match avec nos qualités et nos valeurs et on va essayer que le rapport de force soit de notre côté pour une fois. Charleroi, club de Bruges, un match à suivre en direct sur Vivacité à partir de 20h30. Avant cela, il y a du tennis. David Goffin affronte Andy Murray aujourd'hui en quart de finale du tournoi de Shanghai. Le Belge n'a jamais réussi à gagner le moindre set face à l'actuel numéro 2 mondial. Et puis en basket, coup d'envoi ce soir de la 4e journée de championnat. Le Brussels reçoit Monceno, Charleroi accueille Alost et le leader anversois se déplace à Liège. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf, un accident sur la chaussée de Bruxelles. Sur la nationale 275 qui relie Watermal-Boisfort à Otigny, il s'est produit à hauteur de la Hulpe et la chaussée toujours fermée. Dans les deux sens, la circulation est à l'arrêt et des déviations locales sont mises en place. Autre accident aux portes de Bruxelles sur le 411 qui relie Namur à Bruxelles un petit peu avant Jésus-Zeik. Il occupe la bande de droite et il s'agit d'un camion qui est entré en collision avec une voiture. Il y a des fils. Vous perdez 14 minutes pour rejoindre le 411. Carrefour Léonard. Ailleurs, pour rejoindre Bruxelles, ça se passe ma foi plutôt bien. 10 minutes supplémentaires sur le 40 qui vient de Liège entre Berthem et Woluwe-Saint-Étienne. On ajoute un quart d'heure sur le 429 Tournai Hall où une zone de travaux vous ralentit entre Auve et Tubize. Sur le ring, 15 minutes supplémentaires entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure. Et pour ce qui est de la circulation extérieure, eh bien vous perdez à présent moins de 5 minutes sur l'ensemble des tronçons. Ça ralentit dans les tunnels bruxellois, notamment entre les tunnels Léopold II et Arlois en direction du Midi. Et puis cette manifestation à Namur, ce vendredi, une manifestation des agriculteurs est prévue aujourd'hui. Des embarras de circulation sont à craindre dans le centre de la capitale wallonne. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle fin de semaine à tous, c'est parti pour deux heures de débat avec Benjamin Maréchal. Ah oui, c'est vendredi, mais on a besoin de votre avis. Ça rime en plus, voici c'est vous qui le dites. Maintenant chez Ici Paris Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums après rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparisxl.be. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, la collection photo des fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Est-ce qu'on peut l'admettre ? C'est la dernière heure de ce matin qui révèle l'information. En juin dernier, un ouvrier du cimetière, convoqué pour s'expliquer sur ses retards et ses absences, balance le comportement de plusieurs de ses collègues et il dispose de photos qui ont été prises entre septembre 2014 et fin avril 2016. On y voit notamment un ouvrier jouer avec un crâne et sourire. La photo est sans ambiguïté. On voit une photo de barbecue remplie de saucisses au milieu des tombes avec un des ouvriers qui boit de l'alcool une bouteille en main. Il y a également cette scène sexuelle, un ouvrier couché sur une tombe qui semble se faire pénétrer par deux collègues ou encore les trois collègues qui trinquent à la canette, tout ça devant les stèles. Un dossier disciplinaire est en cours contre plusieurs membres du personnel du cimetière. C'est la question pour vous ce matin face à la collection photo des fossoyeurs. Les fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Est-ce qu'on peut l'admettre ? Le gagnant des 168 millions de l'euro million a 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Qui ? Quelle association ? Est-ce que vous avez besoin de lui ? On ne connaît pas son visage, la Loterie Nationale le protège évidemment, mais communique sur le profil de ce monsieur. Le grand gagnant de l'Euro Million à 45 ans est bruxellois, aime le football et Robert De Niro, joue à l'Euro Million depuis 10 ans et c'est une mise de 15 euros qui l'a donc rendu riche. L'homme, d'après le patron de la Loterie Nationale, est quelqu'un qui va réfléchir et qui ne perd pas les pédales. L'homme est en tout cas généreux et très altruiste puisque son premier réflexe a été d'aider. Il veut verser une partie de son argent à une œuvre caritative et il paraît que les Belges se manifestent en masse. Des centaines de Belges se sont d'ailleurs adressés à notre chaîne de télévision ou à la télévision privée pour entrer en contact avec le gagnant. D'où la question pour vous ce matin. Le gagnant des 168 millions de l'euro million a 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Qui ou quelle association est-ce que vous avez besoin de lui ? Et puis au 070-233-466, ce qui nous unit nous rend plus forts. Analyser l'attitude, l'intonation et le choix des mots de Charles Michel, qui hier a appelé son propre gouvernement à s'unir. Nous attendons donc toujours le budget, ce qui l'impliquera financièrement pour nous les citoyens, et nous attendons donc toujours les réformes sur lesquelles ces triples gouvernements. Les ministres, on le sait, coincent sur la fameuse taxe sur la plus-value boursière que veut le CDNV. Hier, Charles Michel était à la Chambre. Après avoir été bousculé par l'opposition, il a parlé en deux temps. D'abord la franchise et puis la force. Je n'ai pas l'intention de contester un certain nombre de difficultés à l'intérieur de la coalition que nous devons résoudre. Ma conviction, c'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et nous devons le démontrer. Et je suis convaincu que nous allons conjuguer l'équité fiscale, l'efficacité économique et être en mesure de répondre aux défis qui sont devant nous. Je vous remercie. D'abord avec calme et puis avec force. Notez que pendant ce temps-là, Bart De Wever est allé lire le journal à la cafette. C'est la question pour vous ce matin. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Analysez l'attitude, l'intonation et les choix des mots de Charles Michel qui hier a appelé son propre gouvernement à s'unir. Standard ouvert, Zoé Boss. Mais toujours sur la balle, Marion Jemotte décroche vos appels au 070-233-466 et Livo SMS au 3063 50 cents par message. Des fausses trois débats ce matin dans C'est vous qui le dites, des fossoyeurs profanateurs. Que demander aux gagnants de l'euro million? Et enfin, Charles Michel appelle à l'unité. Le débat, c'est vous qui le faites ce matin avec nous. Martial Dumont, journaliste politique à l'avenir, et Gaspard Grosjean, journaliste à Sud Presse, sont avec nous dans le studio. Martial, Gaspard, bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nous voici donc face à la collection photo, ces fossoyeurs de forêt qui font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Dans la série de photos, Gaspard, quelle est celle que vous pouvez accepter? Je vous en glisse une dans l'oreille. Celle du barbecue rempli de saucisses devant les tombes. Est-ce que celle-là, vous pouvez l'accepter? Difficilement, parce qu'on sait quand même qu'un cimetière, on sait la symbolique que ça représente pour la plupart des familles, des gens qui y vont. On est dans un esprit de recueillement, d'apaisement et tout ça, et on n'attend pas des responsables de l'entretien, des inhumations, etc., qui aient de tels comportements, a priori, si j'ai bien compris, en plus pendant leurs heures de travail, c'est un petit peu limite, donc... Celle-là, vous ne l'admettez pas. Je vous en glisse une autre. Et puis non, il n'y en a aucune que j'admets formellement. Ah, aucune, mais je vous en glisse une autre quand même, Martial. Celle où les trois sont en train de boire leur canette devant les stèles. Est-ce qu'il y a gravité? Est-ce que vous pouvez l'admettre, celle-là? C'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que... Celle-là, elle n'est pas grave. Ben, elle n'est pas grave en soi. Je veux dire, boire un coup, voilà, que ce soit là ou autre part. Le problème, c'est que ces photos deviennent publiques. Et fatalement, pour les gens qui ont des défunts dans ce cimetière, je peux comprendre qu'il y ait une certaine forme de ils sont choqués parce que ils prennent ça pour un manque de respect, évidemment, mais sur le fait en tant que tel, boire un coup dans le cimetière, voilà. Par contre, je suis beaucoup plus choqué par le fait de jouer avec des crânes qui sont probablement dans la fosse commune, j'imagine. Là, il y a vraiment une espèce de profanation. Alors vous allez jusqu'au mot profanation? Oui, parce que c'est pas parce que c'est une fosse commune que c'est pas une profanation. Je veux dire, ils jouent avec des corps de défunts, là ça va pas, quoi. Pourquoi ces gens qui sont donc dans cet univers-là et qui croisent les familles et qui croisent les corbillards, pourquoi ils n'ont pas le respect nécessaire? Il y a cette scène sexuelle notamment où un ouvrier est couché sur la tombe, Gaspard, il se fait pénétrer par deux collègues, donc c'est une scène sexuelle sur une tombe. Ils n'ont pas le sens du recul et du respect. Une mime plutôt. Ouais, mais c'est une mime de scène la sexuelle. Scène, ouais. Ouais. Mais effectivement, on est dans des comportements qui ne sont pas acceptables, effectivement, parce qu'on demande, on sait les messages que font passer les services d'état civil à leurs ouvriers, notamment lors du moment des enterrements et tout ça, être relativement bien habillé, être calme, être un peu en retrait pour laisser les familles. Donc il y a toute une série de consignes qui sont données, et là on est vraiment dans l'inverse. Alors effectivement, il n'y a rien de mal à boire un coup, même à manger un pain saucisse, limite, voilà, c'est amusant. Mais à un moment donné, quand on en vient à faire des actes un peu lamentables, là, honnêtement, sur des tombes ou à jouer avec des restes humains, là, il y a un problème, il y a des limites qui sont franchies, c'est tout à fait normal qu'un dossier disciplinaire soit ouvert par la commune. On demande un avis à Verviers. Yves en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Face à la collection photo que vous avez vue, donc, des fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière, est-ce qu'on peut admettre qu'ils s'amusent? Pas du tout. Non. Ils sont là pour travailler, ils ne sont pas là pour s'amuser pendant les heures de travail. Mais le besoin de décompresser dans un milieu qui est quand même complexe, on peut l'imaginer. Le besoin de décompresser. Ben là, je ne pense pas que la décompression doit se faire pendant les heures de travail. Ils sont payés pour travailler, ils ne sont pas payés pour faire des barbecues. Je peux vous soumettre l'ensemble des photos, vous me donnez votre commentaire à chaque fois. Est-ce que vous admettez celle où il y a le grand barbecue avec plein de saucisses à quelques mètres des tombes? Non, je ne l'admets pas. Maintenant, il faut voir par qui a été organisé le barbecue. Ah, et en fonction de l'organisateur, ça vous choque pas qu'on soit entre les tombes? Ah si, bien sûr. Cette photo, il trinque à la canette. Trois collègues de travail trinquent à la canette. C'est grave? Ben, l'alcool au travail, je pense qu'il est interdit. Jouer avec un crâne, il faut en penser quoi? Jouer avec un crâne, c'est totalement sacrilège, c'est scandaleux. Donc on peut pas décompresser. Quand on est dans un milieu confronté à la mort, au deuil, aux peines des familles, on peut jamais décompresser. Bah, je pense que pendant le temps de travail, on a des moments de décompression qui sont faits, qui sont organisés, mais pas pendant le travail ni en fonction du travail qu'on fait. Ok, décompression, pas pendant le travail. Yves, on verra si on peut aller plus loin tout à l'heure. Je termine autour de la table. Martial, le nécessaire besoin de décompression dans un milieu particulier. Le nécessaire besoin de décompression. Bah, tout le monde a besoin de décompresser, mais enfin, je ne sais pas si jouer avec l'écran et mimer une pénétration sur une tombe, c'est une manière de décompresser. Peut-être faire un barbecue et boire un coup, oui. Pour le reste, ça ressemble plus à de la provoque de très mauvais goût qu'à de la vraie décompression. Ces gens peuvent encore, Gaspard, travailler dans le cimetière ou ils ne peuvent plus travailler dans ce cimetière? Oh, je pense pas qu'il faut quand même aller jusqu'à à licencier des gens et leur faire perdre leur emploi pour ça, qu'il y ait un dossier ouvert et qu'il y ait peut-être des sanctions. Après, à la commune de décider de quel type. Hein, mais vrai, je pense tranché encore. Ils n'ont pas tranché, effectivement. J'ai entendu l'intervention du bourgmestre tout à l'heure. Mais voilà, ça serait normal qu'il y ait sanctions. Après, je pense que voilà, on tape sur les doigts, une petite punition et on en reste là. Il faut pas non plus mettre des gens au chômage pour ça. Martial, pareil, petite tape sur les doigts. Non, j'ai dit qu'il fallait pas une punition, mais pas mettre les gens au chômage pour ça. Non, je suis d'accord pour une punition, mais sans mauvais jeu de mots, ils n'ont tué personne. La collection photo Merci. Est face à vous. Des fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Est-ce qu'on peut l'admettre? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Le gagnant des 168 millions de l'euro million veut aider. Est-ce que vous avez besoin de lui? Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Analysez l'attitude, l'intonation de Charles Michel hier. Et puis 10h45, la question qui dérange. Le mari d'Alizée Poulitschek s'est présenté à la prison hier parce qu'il préfère passer 6 mois en prison plutôt que de prester 60 heures de travail d'intérêt général. Mais quel genre d'homme préfère la prison alors qu'on dit que c'est un enfer? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Ouais, je pense quand même que cette garde-robe va être trop grande. C'est quoi déjà les dimensions de ta chambre? Bah attends, Vanessa me les a envoyées par SMS. Alors, largeur 8 pieds et demi, hauteur 5 pieds. Ah oui, et ça fait combien en centimètres ça? Bah je sais pas, c'est ses pieds quoi. Ah c'est vraiment ses pieds? Ah oui, ok. On la prend quand même? Oui, on va prendre quand même, oui. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la Lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis. C'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous ce matin. Voici le deuxième débat sur la table avec Gaspard Grosjean, la Meuse, Martial Dumont, journal L'Avenir. On connaît donc le profil du fameux gagnant qui a remporté 168 millions à l'euro million. C'est un homme de 45 ans. Cet homme veut aider. Ce sont ses premiers mots à la direction de la Loterie Nationale. Je veux verser une partie de l'argent à une œuvre caritative. qui, à quelle association est-ce que vous avez besoin de lui? D'abord, je voudrais votre commentaire, Martial, sur ce qui se passe depuis hier. On voit sur tous les sites de médias, le nôtre, celui de TVI, des gens qui se manifestent en disant « j'ai un besoin, donnez-moi les coordonnées de ce monsieur, je vais le contacter ». Il y a un embrasement général pour parler à cet homme qui propose une générosité à 168 millions. Il paraît que le premier qui a téléphoné, c'est un certain Charles M. qui habite au Lambermont. Mais il faut 4 milliards pour lui. Ça va être compliqué pour lui. Ça suscite un espoir démesuré ou un espoir raisonnable? Alors, moi, je suis absolument sidéré de voir que des gens comme ça téléphonent en faisant une espèce de d'aumône comme ça. Aumône? Bah oui, enfin, comment c'est possible, sous prétexte que quelqu'un vient de gagner des sous, de dire « ah ben, moi, je vais lui téléphoner, je vais lui demander de l'aide ». Il y a une espèce d'absence de dignité, je trouve, par rapport à ça. Le gars, il a gagné, c'est très bien pour lui. S'il veut faire du bien autour de lui, c'est encore mieux, c'est super. Mais que les gens se manifestent et téléphonent en plus à des médias pour avoir l'adresse de ce gars pour lui demander de l'argent, je trouve ça d'une indécence. Mais... Gaspard, est-ce que vous partagez l'indignation? Absolument. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est lui qui a dit « je veux aider », c'est lui qui envoie un signal. C'est lui qui a dit « je veux aider ». Maintenant, l'homme a peut-être déjà ses propres idées. Il a peut-être été touché personnellement par quelque chose, par une cause qui lui tient particulièrement à cœur, à laquelle il versera il fera peut-être qu'un seul don, mais un seul très gros don, mais qu'on le laisse gérer ce don. Ce n'est pas aux gens à venir quémander comme ça, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis alors, où mettons la limite? Parce que chaque association se considère évidemment plus importante que l'autre. Il y a les gens qui ont des cas personnels qui voudraient bien voir réglés par un don de ce monsieur. Donc c'est plus possible, on s'en sort pas, donc laissons-le gérer, choisir sa cause lui-même. Ah ben je retente chez Martial, après un petit temps de réflexion. Vous êtes sûr que les demandes ne sont pas légitimes dans un moment de crise, où on sent bien que tout le monde a du mal à nouer les deux bouts, même les gens qui travaillent sont parfois dans des situations de pauvreté? C'est pas légitime? Ben, moi, je suis pas du tout persuadé que les gens qui ont téléphoné aux rédactions pour avoir l'adresse sont des gens qui sont dans une extrême pauvreté. Il y a des gens qui sont là parce que et qui téléphonent parce que voilà, ce sont des profiteurs. Vous savez, je connais quelqu'un qui a gagné comme ça une grosse somme d'argent. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont commencé à s'intéresser à lui et à lui demander, etc. Et il a fait plaisir et il a aidé des gens. Et il s'est retrouvé à un moment donné avec des gens qui lui tournaient la tête une fois qu'ils ont été aidés. Donc c'est quand même bien la preuve qu'il y a plein de gens qui sont des profiteurs, qui sont des espèces de vautours comme ça. Et c'est juste insupportable. Est-ce que ce monsieur a fait une erreur? Parce que c'est le signal qu'il a donné à la direction de la loterie, qui a transmis le message. Est-ce qu'il a fait une erreur en disant dès le début « je vais verser une partie de cet argent, non, j'ai envie d'aider, de donner » Non, il a fait pas une erreur tout. Pas du tout, parce que s'il avait déjà en tête la cause ou les causes qu'il voulait aider, je pense, prenons même celle ici de la RTBF, Cap 48, prenons celle de la chaîne concurrente, le Télévi ou autre, s'il avait déjà en tête les associations qu'il voulait aider, et pourquoi pas, c'est son droit le plus légitime de le dire, c'est quand même lui qui a eu le gain, et c'est très bien d'ailleurs, je préfère une personne qui dit franchement, qui assume qu'elle va aider, faire des dons à des associations avec des projets sans doute précis, puisque visiblement l'homme a son idée en tête, que des personnes qui auraient eu comme première réaction, je vais me faire plaisir, je vais d'abord, ce qu'il fera sans doute aussi, mais que dire, je vais voyager autour du monde et garder tout ça pour l'histoire moi. L'histoire ne dit pas s'il a le nom de l'œuvre caritative, hein. Il a parlé d'œuvre caritative, mais on ne sait pas laquelle à ce stade. Le gagnant des 168 millions de l'euro million a 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Qui ou quelle association? Nous sommes à Anderlecht. Josépina, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez besoin de lui? En fait, moi, je vais lui rembourser. C'est pas que j'ai besoin pour profiter. Moi, je vais lui rembourser par mois. Mais je suis en urgence, j'ai été expulsée il y a 10 mois de mon appartement social. J'ai tout payé pendant 17 ans, l'appartement, avec le social, le foyer anderlectois. Il vous faut combien alors, Josépina? Il vous faut combien? Moi, c'est une question d'achat maintenant, parce que j'ai fait appel au fonds du logement pour une stabilité durable. Parce qu'il y a une petite de 3 ans, on m'a jeté dehors avec mes 6 enfants et ma petite. Mais moi, l'argent, je vais lui rembourser au monsieur. Je ne veux pas profiter du monsieur. Josépina, vous avez besoin de combien pour acheter quel type de logement? C'est le fonds du logement qui demande plus ou moins un acompte de 40 000 euros. Ce n'est pas grand-chose, monsieur. Et vous oseriez aller devant ce monsieur, Josépina, vous oseriez aller devant ce monsieur dire « j'ai besoin de 40 000 euros pour le fonds du logement » ? Oui, mais c'est pas ça. Je vais rembourser. C'est ça le problème. Mais vous le prenez pour une banque ? Des banques, il y en a. Pourquoi vous n'allez pas vers une banque ? Non, il ne me donne pas, monsieur. J'ai un mari qui est très malade. Ça fait 3 ans. Il a les mains qui tremblent. J'ai fait appel à tout le monde. Personne ne m'a aidé pendant 25 ans.

Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Gaspard, la Meuse, Martial, l'avenir. Et l'attitude, l'intonation et le choix des mots de Charles Michel, qui donc hier est venu à la Chambre. Vous savez que nous sommes toujours en attente du budget, c'est-à-dire de ce que ça implique financièrement pour nous, et toujours en attente aussi des réformes sur lesquelles le gouvernement est en train de s'étriper, notamment cette fameuse plus-value boursière que veut le CDNV. Pour ceux qui arrivent maintenant, les mots et l'attitude de Charles Michel. Je n'ai pas l'intention de contester un certain nombre de difficultés à l'intérieur de la coalition que nous devons résoudre. Ma conviction, c'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et nous devons le démontrer, et je suis convaincu que nous allons conjuguer l'équité fiscale, l'efficacité économique, et être en mesure de répondre aux défis qui sont devant nous. Je vous remercie. Vous percevez ça comment, Gaspard? Il y a une forme de courage volontaire dans l'intonation où il est à bout. On sent que sa voix même s'éraille sur la fin du message. Ah bah c'est vraiment tout ça. Donc oui, il y a une sorte de courage, effectivement, d'oser aller dire que ça tangue un petit peu, que le bateau gouvernemental tangue devant la Chambre. Donc il y a une certaine forme de courage, mais ça fait un petit peu, justement, le capitaine seul au monde qui recherche l'unité, le soutien de son équipage pour affronter la tempête. C'est vraiment ça. C'est un francophone qui gère les clés de la maison Belgique, qui va un petit peu quémander la fidélité de ses partenaires de la coalition flamand. Hein, qui plus, il faut quand même le souligner. Il s'est humilié, c'est quelque non, chose d'inédit. En faisant ça, il est à bout de voix, pas à bout de force, mais à bout de voix. Il s'est humilié en faisant ça? Non, il s'est pas humilié. Son rôle, c'est d'aller défendre l'unité du gouvernement et de son gouvernement. On peut le comprendre. Il va pas arriver en disant, écoutez, les gars, c'est la foire totale, je sais pas ce qui se passe. Non, il est bien obligé de reconnaître. Je ne pense pas que c'est du courage. Ce serait de la mauvaise foi que de ne pas le faire, je pense. Il est bien obligé de dire qu'il y a des soucis dans sa coalition. Maintenant, on peut comprendre aussi qu'il essaye de minimiser ça et de dire, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Personnellement, je pense que c'est le contraire. Il est dans une coalition où, de plus en plus, il y a des dissensions, notamment au niveau des partenaires flamands, parce que le CDNV est obligé de jouer la gauche à gauche toute pour essayer de contenter son électorat. Et donc, Charles Michel est au milieu, il est assis le cul entre deux chaises, si je puis me permettre, et c'est vraiment pas facile pour lui. C'est un appel qui a servi à rien ou pas, Gaspard? Parce qu'il dit « ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ». Et pendant ce temps-là, Bardo Weaver va à la cafette lire son journal. Absolument, l'image est absolument désastreuse, puisqu'on a en même temps un Premier ministre qui appelle, enfin on a entendu là ses propos, et un des hommes politiques les plus puissants du pays, Bardo Weaver, qui effectivement est censé peut-être être dans les députés qui vont l'applaudir et le soutenir face au milieu de l'opposition à ce moment-là, qui n'en a rien à cirer, c'est un peu Ponce Pilate, je m'en lave les mains, je lis mon journal alors à la cafétéria. Alors qu'on sait que c'est lui qui tire les ficelles derrière et qui est en partie responsable des problèmes qu'il y a au sein de cette coalition. On demande un avis à Waterloo. Jean-Claude en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Je vous demande d'analyser l'attitude, l'intonation et le choix des mots de Charles Michel. D'abord sur l'intonation, vous l'avez senti comment? Courageux, volontariste, crevé? Mais je pense qu'il y a un peu de tout, un peu d'étroit. Mais je pense que l'attitude de Michel, c'est de venir demander l'unité. Je crois que ça ne s'adresse pas uniquement à la majorité, je crois que ça s'adresse à tout le monde. Et je suis, moi, personnellement dépité de voir l'attitude de l'opposition qui oublie qu'ils ont été dans cette situation de très nombreuses fois. Mais pas que l'opposition, Bardo Weaver est allé lire le journal à la cafette, il est dans la majorité, lui. Bardo Weaver n'est pas celui qui a mis des problèmes sur la table. Maintenant, Michel était là au Parlement, c'est lui le Premier ministre, ce n'est pas de Weaver le Premier ministre. Donc l'appel à l'unité, c'était pour qui? C'était pour la NVA ou c'était pour le CDNV qui embête tout le monde avec sa taxe sur les plus-values boursières? Je pense qu'il y a des demandes qui ont émané du CDNV, il y en a des demandes qui ont émané de l'OpenVLD. Je crois que, comme a dit Reinders avant-hier, hier, je crois, sur vos antennes, le budget est pratiquement réglé, les problèmes ce sont des réformes. Mais oui, mais ce qui manque c'est à côté, pas... c'est la réforme à côté, la réforme fiscale qui ne vient pas. C'est là effectivement qu'il y a dissension. Jean-Claude, le message adressé à l'opposition, rapidement messieurs, le message d'hier, là, l'appel à l'unité, c'est un rappel à l'ordre du CDNV ou de la NVA ? Martial d'abord. Je pense que c'est un rappel d'ordre général, mais effectivement, peut-être un peu plus à destination du CDNV qui a décidé de ne pas se laisser, de ne plus se laisser marcher sur les pieds, et il a en grande partie raison. Et donc, Charles Michel se sent obligé, évidemment, de rappeler un peu tout le monde à l'ordre. Je vous fais un décodage, vous me dites s'il est bon. Est-ce que c'était un message à Chris Peters en disant « Maintenant, tu arrêtes. Avec tes histoires de plus-value boursière, tu arrêtes. » Ça visait Chris Peters non, ou pas ? Non, pas spécialement Chris Peters. Je fais un petit peu une autre lecture. Moi, je pense qu'il y a vraiment un plus gros clash qui concerne le CDNV et le VLD. Pour une fois, peut-être pas directement ou moins directement la NVA. C'est vraiment un clash entre ces deux parties-là sur cette thématique précise de taxation des plus-values. L'NVA n'est pas d'accord avec ça. L'NVA n'est pas d'accord, mais le clash médiatique, ceux qui sont exprimés, c'est Maggie Leblanc, c'est Alexander Decroux. C'est Alexander Decroux. Voilà. De Chris Peters. Donc voilà, je pense que le CDNV a raison à un moment donné de taper du poing sur la table s'ils veulent un peu exister et se démarquer. Après, leur méthodologie, par contre, je la trouve discutable. Mais alors là, il y a vraiment quelque chose, effectivement, de dramatique parce qu'il va falloir aboutir au risque de ne pas rentrer un budget à temps. Pour l'Europe. À vous d'analyser maintenant, Gaspard Grosjean, Martial Dubon. Bonne journée, messieurs. Bonne journée, merci. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. La collection photo des fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Est-ce qu'on peut l'admettre ? Le gagnant des 168 millions de l'euro million a 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Qui ou quelle association est-ce que vous avez besoin de lui ? Et puis ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Analysez l'attitude, l'intonation et le choix des mots de Charles Michel qui hier a appelé son propre gouvernement à s'unir. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Verviers. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Et vous souhaitez commenter la collection photo. Est-ce que des fossoyeurs peuvent faire un barbecue en plein milieu des tombes ou ça vous choque ? Non, certainement pas, ça me choque profondément. Qu'est-ce qui est choquant dans cette image ? Mais enfin, que ce soit dans un cimetière, le fait que ce soit dans un cimetière, après, c'est tout, où il y a des tombes de défunts. Qu'est-ce que les familles qui sont là, enfin, qui ont des défunts là, doivent penser de ça ? Mais le barbecue n'est pas sur une tombe, hein ? Il est sur la partie d'herbe à quelques mètres des tombes. Parce que, comme j'ai dit dans mon SMS, qu'ils fassent ça à l'extérieur, quoi, devant le cimetière, tout devant, s'ils veulent, mais je trouve qu'il y a un manque de respect. Donc ça, vous auriez accepté, un barbecue des fossoyeurs devant le cimetière à l'entrée, ça, vous l'auriez accepté ? Ah oui, ça oui. Des collègues qui boivent une petite canette et ils trinquent, c'est grave ou c'est pas grave ? Bah, je veux dire que ce n'est pas grave, mais... On sait bien qu'ils doivent voir pendant leur travail. Moi, je veux bien tout ça. Hein, mais... J'ai deux photos à vous soumettre encore. Ce monsieur qui joue avec un crâne. Mais c'est leur environnement quotidien. Non, ça pas. Sûrement pas. Mais c'est leur environnement quotidien. Donc ils n'ont peut-être pas le même rapport que vous au crâne. Pour eux, c'est un élément du quotidien. Ça peut expliquer ou pas ? Oui, je veux bien, mais... Enfin, les familles, je ne sais pas moi, qui voient ces photos et qui se disent que c'est peut-être le crâne d'un des leurs ou quoi. Moi, ça me choque profondément, ça, voilà. Marie-Jeanne, le mime d'une scène sexuelle. Donc un homme est couché sur une tombe et deux... C'est encore pire, ça. Hein. Mais c'est scandaleux. On ne peut pas dire que c'est une blague de potache ? Non, ce n'est pas une blague de potache. Est-ce que ces gens peuvent encore travailler dans le cimetière ? Oui, mais oui. Que... Qu'ils aient une punition d'abord, hein, qu'ils soient hors service pendant, je ne sais pas moi, 15 jours, un mois. On verra ce que dit le collège communal qui n'a pas encore tranché, mais donc ces hommes qui miment des actes sexuels et des pénétrations sur tombe peuvent encore travailler au cimetière pour vous. C'est noté, vous êtes à Verviers, Marie-Jeanne. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane. Toujours cet accident sur la Nationale 275, Watermal Boisfort-Otigny, à hauteur de La Hulpe. La chaussée est toujours fermée dans les deux sens de circulation et la circulation est à l'arrêt. Il y a 3 km de fil, des déviations locales sont mises en place. Bonne nouvelle pour rejoindre la capitale, la circulation est devenue fluide sur la plupart des axes ou légèrement dense. Idem sur le ring de la capitale où on note quelques très légers ralentissements entre Strombeek et Wemmel en direction de Grand Billard en circulation extérieure. Ça ralentit encore dans quelques tunnels bruxellois, notamment dans le tunnel Delta et entre les tunnels Tervurenellois en direction du centre. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Gouvy, c'est Jacques qui viendra nous dire si le Premier ministre hier était à bout de voix et à bout de force à la tribune de la Chambre. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Dox is style. Dox is wow. Dox is fun. Dox is yum yum. Génial. Cinéma. Dox is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Dox is lingerie. Dox is comme tu es belle. Delicious. Dox is man. Woman. Kids. Me. Dox Bruxelles is you. Dès le 20 octobre, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Dox Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur doxbruxelles.be. Waouh, vous entendez? C'est toujours la fête pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 3 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme les cailles en 4 plus 4 gratuites. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, ouais, je suis curieuse. Allez, vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon, ouais. Hein, et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Mai 1765, l'impératrice Marie-Thérèse décrète le démantèlement de toutes les brasseries seigneuriales pour une ville à faire de privilèges. Joseph Dubuisson, brasseur pour le seigneur, perd son moyen de subsistance. Impératrice ou pas, nous les petits, on brassera. Joseph fait un pied de nez à l'autorité et construit une brasserie à la limite des terres seigneuriales, juste en face de l'ancienne. Oh, une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Et au 070-233-466 est sur la table. Le gagnant de 168 millions de l'euro million a 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Qui ou quelle association avez-vous besoin de lui à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Claudine de Bertrier. En regardant le nombre d'habitants de la Belgique, elle s'est aperçue que les Belges ne sont pas nombreux. On est 12 millions max en Belgique. Si le gagnant de l'euro million donne 1 million d'euros à chaque Belge, il lui restera encore 36 millions d'euros. C'est pas mal pour un seul homme, 36 millions d'euros. C'est déjà bien. Et il donnerait un sacré coup de pouce à la Belgique. Vu notre contexte économique, Claudine demande à ce monsieur de nous aider tous et par la même occasion d'améliorer son karma. C'est vous qui le dites à Gouvy. Jacques, bonjour. Bonjour. On n'a toujours pas le budget, toujours pas les réformes, mais Charles Michel était à la tribune de la Chambre hier. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Vous avez pensé quoi de son attitude hier? C'est un homme fatigué. Au bout? Il est au bout? À bout? Au bout? Au bout, je crois qu'il est perdu. Il n'arrive plus à gérer son gouvernement. Et les attitudes de M. Peters n'ont rien arrangé, évidemment. Et pourtant, il y avait un bel appel à l'unité. Hein, ce qui nous unit nous rend plus forts. Moi, j'appelle tout le monde à dépasser les divisions. On va le démontrer. On va pouvoir dire aux citoyens ce qu'il en est. Vous ne pensez pas qu'il a remotivé les troupes du gouvernement hier? Peut-être bien, oui. Oui. Maintenant, je crois qu'il n'ouvre pas la discussion avec tout le monde. Si, comme M. Decroux a dit, il faut discuter. Là, M. Peters qui claque la porte, ce n'est pas vraiment une bonne solution pour nous. Mais entre-temps, il est revenu. Claquer la porte, c'est une vieille histoire de lundi soir. Entre-temps, il est revenu. Oui, d'accord, mais je pense qu'il va revenir quand même avec ses idées. Et que les autres ne l'accepteront quand même pas, l'idée qu'il veut proposer. Vous avez pensé quoi de l'attitude hier de Bart De Wever? Donc quand le Premier ministre dit à l'ensemble de sa majorité « Allez, on dépasse ce qui nous divise, on y va ben », Bart De Wever, il est parti lire le journal à la cafette. Vous en pensez quoi? Bon, je pense que lui, il est plus pour motiver les troupes dans l'autre sens. Il est dans la majorité, donc il tire contre son camp. Bah, peut-être pas qu'il tire contre son camp, mais on dirait qu'il se désintéresse, qu'il ne veut pas suivre la majorité. L'intonation de Charles Michel à bout de voix, là, hier, ça vous a touché? Quand même, oui. Quand même touché, mais c'est un homme perdu, avez-vous dit. Ce sera le résumé de notre conversation. Charles Michel, perdu. Allons à Liège. Fatima, bonjour. Oui, bonjour. Le gagnant de 168 millions de l'euro-million a 45 ans. Il veut aider en versant une partie de son argent. Vous avez besoin de lui? Oui, s'il pouvait m'aider, ce serait bien. Vous avez besoin de quoi? En fait, j'ai besoin d'une petite voiture et qui me paye au moins l'assurance d'un an pour que je puisse démarrer parce que je suis en recherche de travail, je suis aide familiale et ma fille est aide-soignante. Et chaque fois que je cherche du travail, on me dit toujours qu'il faut une voiture pour aller chez les gens. Mais vous oseriez devant ce monsieur dire « payez-moi une voiture » J'oserais. Vous oseriez? Oui. S'il peut m'aider pour démarrer, oui, pourquoi pas. Mais comment il peut arbitrer ce monsieur? Parce qu'on comprend bien, et on le voit depuis hier, que sur tous les sites de télévision, de radio, que ce soit la RTBF ou TVI, il y a des centaines et des centaines de demandes. Pourquoi la vôtre serait plus urgente que celle d'un autre? Quelle est l'urgence ou la spécificité, je Fatima? Je ne dis pas que la mienne est plus urgente, c'est pas ça. Mais si lui proposait d'aider les gens, tant mieux. Ce serait bien qu'il puisse nous aider. Vous avez entendu tout à l'heure Gaspard et Martial. Martial et Gaspard pensent que vous êtes une profiteuse, Fatima. Non, parce qu'eux, ils ont peut-être les moyens, mais moi pas. Je ne suis pas profiteuse du tout, parce que je veux juste une voiture pour pouvoir justement aller travailler et être acceptée, parce que chaque fois, on me dit que je n'ai pas de voiture, donc je ne suis pas prioritaire, et voilà. Mais donc, elle est là, votre particularité. Ce qui démarque votre demande des autres, c'est que vous, c'est pour aller travailler. Si pas de voiture, oui, pas de travail. Oui, c'est pour aller travailler, oui. Juste pour que je puisse au moins avoir une petite voiture et pouvoir accepter les offres d'emploi. Et si cet homme après, vous dit non, vous êtes face à cet homme de 45 ans, je voudrais une voiture. Si cet homme vous dit non, qu'est-ce que vous en penserez? Je ne lui en voudrais pas, c'est tout. Il y a peut-être plus urgent que moi. Je ne lui en voudrais pas. Donc on tente sa chance et on demande quand même, vous oseriez, Fatima. Ce monsieur a 45 ans, c'est qu'il est bruxellois, qu'il aime le foot et Robert De Niro. Il joue à l'Euromillion depuis 10 ans et son premier réflexe a été d'aider. La loterie a dit de lui, c'est quelqu'un qui va réfléchir et qui ne perd pas les pédales. On marque une nouvelle pause et dans un instant à Laeken, c'est Gwendoline qui nous dira si des fossoyeurs à Forêt pouvaient faire des barbecues saucisses à quelques mètres des tombes. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Stressless invente le confort d'avoir le choix. Jusqu'au 6 novembre, Stressless vous offre moins 20% au choix sur la collection de fauteuils dans tous les coloris de cuir. Et le choix de nouvelles options de confort. Plus d'informations chez votre revendeur ou sur stressless.be. Le plus impatient des réseaux présente... Attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Tiens, hier, Mme Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi, Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Le plus impatient des réseaux présente... Attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que la dernière tendance smartphone à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Encore. Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Les pépinières Saint-Jean? Mais oui, à Vonze, la plus grande pépinière en région wallonne. Ah, les spécialistes des gros sujets, des plantes exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le meilleur moment pour visiter la pépinière. Les couleurs d'automne sont tout simplement magnifiques. Il paraît qu'ils réalisent le jardin de A à Z et des plantations par leurs soins avec garantie de reprise. Super, on y court. C'est évident. Les pépinières Saint-Jean. Ouvert 7 jours sur 7. Info sur pépinière-saint-jean.be. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue. 736 74 36. Au 070-233-466 sur la table, l'analyse de l'attitude, de l'intonation et du choix des mots de Charles Michel qui hier a appelé son propre gouvernement à s'unir. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. À ce propos, j'ai eu Christelle de Tubize. Monsieur Charles Michel nous parle d'unité et de solidarité, mais c'est depuis que son gouvernement est en place que la Belgique va à volo. Comment peut-il prétendre être concerné par la Wallonie alors qu'il a vendu son âme à la Flandre et qu'il ouvre la porte à la division du pays? C'est la question que se pose Christelle de Tubize ce matin, Benjamin. C'est vous qui le dites à la queue. Gwendoline, bonjour. Bonjour Benjamin. Qui est enterré dans votre famille au cimetière de Forêt? Mon grand-père et ma grand-mère. Eh bien, nous avons une terrible collection photo. Des fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière, des scènes de pénétration, bref, ils s'amusent. Vous pouvez l'admettre? Pas vraiment, non. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas admettre? C'est des gens qui décompressent. Je ne sais pas, moi j'ai appris la nouvelle ce matin avec vous et la première chose que j'ai pensé, c'est mon Dieu, mais ils ont peut-être fait ça sur la tombe de ma grand-mère, le crâne en question, à qui il appartient, enfin voilà quoi, ça suscite pas mal de questions et de dégoût franchement. Ah, du dégoût. Et si on vous parle de décompression, ces gens, dans un milieu difficile, confrontés au deuil, à la mort, à des images terribles, hein, la mort c'est parfois terrible, c'est le besoin de décompression, vous comprenez pas ça? Bah si, mais on décompresse en dehors du cimetière, à la buvette du coin, j'en sais rien, moi, mais pas sur les tombes, non. Qu'est-ce que vous admettez dans les scènes? Pardon? Qu'est-ce que vous admettez dans les scènes? Les trois qui trinquent à la canette, c'est d'une gravité forte? Non, ça à la limite, je veux dire, à la fin de la journée, je peux l'admettre tout à fait. Mais les deux autres, enfin les trois autres images, non quoi. Black potage, parce qu'on voit bien sur la photo qui mime l'acte de pénétration que les trois, celui qui est couché sur la tombe et les deux qui procèdent à la manœuvre, ils sont tous les trois morts de rire. Black potage? Bah non, là désolé, mais ça se fait pas quoi. Il y a quelqu'un en dessous, il y a quelque chose de sacré, il y a l'âme de quelqu'un en dessous, j'en sais rien, mais enfin je veux dire ça se fait pas, c'est tout. La dernière fois que vous êtes allée au cimetière, Gwendoline, c'était quand? Ben justement, ça fait longtemps parce que ce cimetière de Forêt n'est pas sur Forêt, il est super loin, il y a toujours des embouteillages pour y aller, donc c'est vrai que c'est pas facile. Vous irez voir maintenant? Une fois par an à la Toussaint, ben oui c'est clair que je vais aller vérifier, c'est clair. Ah, vous allez aller vérifier? Ben évidemment, on approche de la Toussaint, donc c'est notre visite annuelle, mais quoi qu'il arrive, enfin... Est-ce que ces gens, ces gens peuvent encore travailler auprès de la tombe de votre grand-père et de votre grand-mère ou plus du tout? Mais dans le contexte actuel, je voudrais pas que ces gens se retrouvent sans boulot non plus, parce qu'il y en a déjà assez, je pense. Mais effectivement, une sanction est à prévoir et je sais pas, un travail sanction. On verra ce que le collège communal décide. La conversation et l'issue de ce dossier est en suspension. Les photos visibles sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. Sur la une, si vous nous regardez, bien sûr. C'est un dossier révélé par La Dernière Heure ce matin. Nous sommes maintenant à Gilly. Merci Gwendoline. Gilly, Martine, bonjour. Bonjour. Euromillion, le gagnant des 168 millions à 45 ans. Il veut aider en versant une partie de son argent. Vous avez besoin de lui? Ben écoutez, je crois qu'on est beaucoup à avoir besoin de lui. Et sincèrement, moi, les gens qui demandent comme ça de l'argent ou d'acheter des trucs et dire qu'ils vont rembourser, ben comment veut-il rembourser sans travailler? Donc moi je dis c'est quoi cet homme-là, ben, vous dites que c'est des profiteurs? Oui, ce sont des profiteurs, parce que moi j'irai, pourtant moi je suis en médiation de dette, j'ai besoin d'argent. Ma fille a 3 enfants, elle est seule, elle est au chômage, elle a besoin d'argent. Mais ce qu'on a surtout besoin, c'est de travailler. Donc moi je dirais plutôt à ce monsieur, vous voulez aider, c'est très bien. Ben alors ouvrez des commerces ou des hôtels ou mettez-vous dans une entreprise et engagez Martine, des gens. Martine, Josépina tout à l'heure à Anderlecht, elle était dans une situation d'urgence. Elle a été expulsée de son logement social. Elle a besoin de 40 000 euros pour un acompte au fond du logement. Elle parlait d'urgence. C'est pour ça qu'elle veut aller à ce monsieur et lui dire « moi je suis dans l'urgence ». Et ça, c'est pas noble pour vous, c'est pas légitime. Pour un logement, oui, mais... Bon, il y a d'autres moyens, comme le monsieur tantôt disait, il y a d'autres moyens. Et puis maintenant... Ah, mais Josépina, elle avait dit « je rembourse hein », elle a dit tout à l'heure « je rembourse, j'ai besoin des 40 000 euros, mais c'est promis ». Mais vous ne croyez pas aux promesses de remboursement, Martine. Est-ce que vous avez besoin de lui? La réponse est non. Quelle conversation nous mènerons après les infos? À tout à l'heure. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée, sur Vivacité et sur la Une. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Nicolas, arraché tragiquement au sien par un malheureux accident de la route. Voici ses derniers mots. J'arrive dans 5 minutes, réchauffe le poulet, hashtag miam. Écrire un message au volant, c'est peut-être écrire ces derniers mots. Alors restons concentrés sur la route. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de la WSR, l'agence wallonne pour la sécurité routière. Il y a une grande différence entre un véhicule pour son job et le nouveau Volkswagen Amarok qui fait le job. Pour transporter du matériel de chantier, il fait le job. Pour montrer à son voisin ce que c'est que d'avoir de la reprise, il fait le job. Pour grimper une dune de 22 mètres, il fait le job. Venez essayer le nouvel Amarok et son moteur V6 chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Vous avez entendu parler de Monde Positif? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Les festivals de l'été, c'est micro, trémolo, dodo. Mais le prochain festival, c'est macro, bravo, promo. Jusqu'au 18 octobre, au Festival de Macro, vous goûtez des petits plats spéciaux, vous découvrez des produits originaux, vous recevez même deux produits pour le prix d'un cadeau. Mais surtout, vous profitez de promos mégalo, comme cet ordinateur tablette 2 en 1 Lenovo Yoga à seulement 799 euros. Avec son processeur Intel Core i7, il fait du beau boulot. Le Festival de Macro, c'est vendredi et samedi chez Macro. À bientôt. Goops, 10h01 sur Viva. Le flash est signé Lionel de Neubourg. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les députés wallons se prononcent ce matin sur le CETA, cet accord de libre-échange économique qui est en cours de négociation avec le Canada. La plupart des États européens ont dit oui, sont prêts à signer cet accord, mais chez nous, la majorité PS-CDH pourrait recaler ce traité. Ce matin, des agriculteurs de la Fédération Fugea ont manifesté à Namur devant le Parlement avec une dizaine de tracteurs. Ils voulaient rappeler leur opposition à cet accord économique. Pas de traditionnel conseil de ministres ce matin, comme c'est le cas d'habitude le vendredi. En cause, évidemment, le blocage du budget fédéral. À la place de ce conseil, Charles Michel, le Premier ministre, continue ses entretiens en tête-à-tête avec les ministres de la majorité pour tenter de débloquer la situation. Reprise du championnat de football ce soir après la trêve des Diables Rouges. Une belle affiche pour l'ouverture de cette 10e journée. Charleroi contre le club de Bruges. Les Zèbres qui restent sur 11 matchs sans défaite à domicile. En tennis, David Goffin joue son quart de finale tout à l'heure au tournoi de Shanghai. Ce sera vers midi. Du lourd pour le Liégeois qui sera opposé à Andy Murray, deuxième joueur mondial. Enfin, pour les accros de Harry Potter, ils n'ont pas beaucoup dormi cette nuit. Certains ont fait la file pendant une bonne partie de la nuit pour être les premiers à acheter le 8e tome des aventures du jeune sorcier Harry Potter et l'enfant maudit. Cette fois, il ne s'agit pas d'un roman, mais bien d'une pièce de théâtre. La météo, un ciel plombé ce matin, mais moins de vent sur le sud du pays. Maxima de 10 à 15 degrés et quelques éclaircies cet après-midi, mais elles seront timides. Le point RTBF Mobile Info, comment ça se passe, Stéphane Piedbeuf? Ça se passe globalement bien, nous avons toujours cet accident depuis tôt ce matin sur la Nationale 275 Watermal-Boisfort-Ottigny à hauteur de la Hulpe. La chaussée est toujours fermée dans les deux sens de circulation. La circulation est évidemment à l'arrêt en amont de cet accident dans les deux sens, mais des déviations locales sont mises en place. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour rejoindre Bruxelles, la circulation est fluide. Elle est pratiquement complètement fluide sur le ring, à l'exception d'une partie du ring en circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bigard. Vous allez perdre quelques minutes. Et puis toujours des tunnels embouteillés à Bruxelles, par exemple, vous ralentissez entre les tunnels Rogier et Arlois en direction du Midi, et puis la manifestation que vous évoquiez à Namur, si vous voyez des agriculteurs et que cela perturbe les routes, en tout cas on ne nous a rien signalé pour l'instant, si ça perturbe les routes dans les rues de Namur, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 48 400. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Stéphane. Dernière de la semaine pour C'est vous qu'elle dit, avec qui d'autre que Benjamin Marachal, évidemment. Mais aller dans un lit, pas accompagné, mais tout seul, vous soigner. Pourquoi pas, vous venez avec moi? Mais non, j'ai du travail. Vous prenez trop de place. Rendez-vous à 11h, la rédac. Chaque matin, Benjamin Marachal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Il y a 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Le mari, le compagnon d'Alizée Poulitschek, s'est présenté à la prison hier parce qu'il préfère passer 6 mois en prison plutôt que de prester 60 heures de travail d'intérêt général. C'est la question qui dérange de ce matin. Mais quel genre d'homme préfère la prison alors qu'on dit que c'est l'enfer en Belgique? Cet homme s'appelle Philippe Meert. Parenthèse, il a déjà fait de la prison en 2001 pour une affaire de fraude à la TVA. Il connaît donc le genre d'endroit. Et cette fois, il a été condamné par le tribunal pour un incident de route en 2015. Il avait cassé le rétroviseur d'une Mercedes qu'il avait houspillée. Le tribunal l'a condamné à 60 heures de travail d'intérêt général. Mais l'homme qui dit avoir une haine pour la justice n'a pas voulu, je cite, les faveurs d'une telle organisation. Il a donc dit, je veux pas votre faveur, moi j'aime encore mieux la prison. Et il est donc en prison, il s'est présenté hier. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Ce ne sera pas lui puisqu'il est en cellule. Avez-vous une piste? Oui, eh bien on va tenter de parler avec Alizée Poulitschek, la compagne de Philippe Meert. Alors si elle n'est pas disponible, on ira voir du côté d'un magistrat pour qu'il nous explique ce choix possible entre une peine de prison ou une peine de travail d'intérêt général. Vous avez un éclairage dans ce dossier. Un homme qui préfère la prison à une peine de 60 heures. Par principe, je n'ai pas besoin de votre cadeau. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Zoé au standard. Et le problème de Patrice Descossine, c'est que pour lui, c'est un coup de pub. Ce type va en prison pour défendre sa première condamnation. C'est de la manipulation sournoise de sa part. Patrice nous le dit, il ne doit pas échapper à la prison parce qu'il fait son cinéma. Le compagnon d'Alizée Poulitschek s'est présenté à la prison mercredi. Il préfère passer 6 mois en prison plutôt que de prester 60 heures de travail d'intérêt général. Mais qui préfère la prison alors qu'on dit que c'est l'enfer? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord la collection photo. Des fossoyeurs de forêt font des barbecues, jouent avec des crânes, miment l'acte sexuel en plein cimetière. Bref, ils s'amusent. Est-ce qu'on peut l'admettre? Le gagnant des 168 millions de l'Euromillion à 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Qui ou quelle association avez-vous besoin de lui? Et puis ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Analysez l'attitude, l'intonation et le choix des mots de Charles Michel qui hier a appelé son propre gouvernement à s'unir. 3 débats, Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur le gagnant de l'Euromillion. Il remporte la somme de 168 millions d'euros à 45 ans et veut aider en versant une partie de son argent. Vous avez besoin de lui? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. On ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son identité, mais la loterie nationale qui le protège révèle quand même un profil. Cet homme a 45 ans, il est bruxellois, il aime le foot et Robert De Niro. D'après le patron de la loterie nationale, c'est quelqu'un qui va réfléchir et qui ne perd pas les pédales. L'homme est en tout cas généreux et altruiste, ça c'est une certitude, car ses premiers mots ont été pour les autres. Il veut aider, il veut verser une partie de son argent.

Oui, bonjour. Vous avez besoin de lui, pourquoi? Pour aider mon petit garçon atteint d'une tumeur au cerveau. À quoi pourrait servir l'argent? Parce que l'argent ne guérit pas toujours, Karine. Non, je sais, mais c'est pour les soins immunitaires qu'on doit faire à l'étranger, parce qu'ici, il ne se passe rien à faire. Vous avez besoin de quel montant? 25 000 euros. Quel âge a votre fils, Karine? 10 ans. Vous oseriez, parce que c'est un moment difficile, vous devez à la fois gérer votre chagrin, votre fils, et puis aller vous mettre devant un homme et lui demander quelque chose. Vous oseriez aller lui demander? Bien sûr. Et s'il ne donne pas? Ben tant pis, je recommencerai à faire des fêtes et des fêtes et des fêtes pour avoir de l'argent. C'est ça le moyen que vous utilisez maintenant pour avoir l'argent nécessaire? Oui, beaucoup sur Facebook, ils nous aiment beaucoup les gens et leur famille et les amis et tout le monde en groupe. Mais c'est fatigant. Mais vos fêtes, elles rapportent combien puisque vous avez besoin d'argent et d'un montant important? Elles vous rapportent combien ces fêtes? Ben, ça dépend les soirées, s'il y a du monde ou pas, 2 000, 3 000 euros, donc on doit en faire beaucoup. Il y a le centre culturel qui avait fait une bonne soirée, qui avait récolté 8 000, mais... On a payé des parties, des dettes qu'on devait, puis tous les plaisirs de bouffer ce qu'on fait. Et voilà. Donc maintenant, on recommence à faire des fêtes. Vous nous expliquez, et vous expliquez aussi à ce gagnant de l'euro million, à quoi servira ce traitement humanitaire. Donnez-moi deux informations. Le montant dont vous avez besoin, donc, et à quoi sert ce traitement? À essayer de faire fondre la tumeur. Ça se fera où, si vous avez l'argent? C'est en Espagne. Il n'y a que là que ça se fait? Oui, il n'y a que là. Et la mutuelle belge ne peut pas vous aider? Non. Donc ce monsieur, ce gagnant qui veut aider, il se profile un peu comme votre dernier espoir, Karine? Oui, bien sûr. Et à ceux qui ont dit tout à l'heure, vous avez entendu Gaspard, vous avez entendu Martial, sans connaître votre parcours, mais qui disait quand on demande à un homme, on est profiteur, on fait, je reprends le document, on fait l'aumône, on n'a pas de dignité quand on demande. Non, pas, je ne suis pas d'accord. Dans des cas comme nous, qu'on a besoin, c'est pour aider notre proche, je veux dire, c'est pas pour payer mes dettes ou quoi que ce soit, je veux dire, j'ai besoin d'argent pour pas pour m'amuser, moi. C'est pour essayer de sauver la vie de mon petit garçon. Karine, le montant dont vous avez besoin? 25 000 euros. 25 000 euros, c'est pour être bien sûr de ce montant. Dernière chose, Karine, vous allez essayer de le contacter, de le retrouver, ce monsieur? Non. Si on ne me contacte pas, ben je ne chercherai pas à l'embêter avec tout ça. Vous ne chercherez pas. C'est une évidence, le courage nécessaire que l'équipe vous envoie pour la suite de ce parcours. Et bien sûr, personne n'est capable de dire ce matin si les yeux de ce gagnant de 168 millions se poseront sur vous et sur votre fils, Karine. Vous êtes à Serein. XL est au 070-233-466. Yasmine, bonjour. Bonjour. Vous êtes une maman de deux enfants. La rumeur dans certains journaux dit que ce monsieur est lui aussi papa. Il a 168 millions et il veut aider. Vous avez besoin de lui? Oui, j'ai besoin de lui parce que je suis une maman seule. Je suis au CPS. Le papa nous a abandonnés depuis que j'étais enceinte du deuxième, du petit. Et donc, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et j'ai vraiment énormément de factures de l'huissier de justice. Et même mes enfants ont besoin d'aller au sport. Je ne sais pas leur payer le sport, surtout les deux petits. Ils aiment énormément le football. Et le football, c'est le sport, je crois, le plus cher à payer. C'est 250 euros par enfant. Donc ça me ferait 500 euros. C'est impossible de payer ça. Yasmine, quelle est la demande? Est-ce que vous demandez un gros montant ou vous demandez une aide par mois? Par mois, non. J'aurais voulu juste demander un bon 15 000 euros pour démarrer, pour payer toutes mes factures et que je fais une nouvelle vie à mes enfants, qu'ils puissent aller au sport comme tous les enfants. Voilà. Mais et pourquoi aussi, vous allez vers lui, Yasmine? L'école de mes enfants, ils sont tous les deux en première secondaire, le grand est en deuxième et ça devient très très très cher et je n'arrive pas. Pourquoi vous attendez que ce monsieur pose ses yeux sur vous? Parce qu'il y a des aides en Belgique, il y a le CPS, il y a la mutuelle qui paye en partie le sport, il y a des chèques sport, il y a des interventions, il y a des tarifs sociaux. Pourquoi vous comptez sur lui? Non, le CPS n'aide plus comme avant, rien du tout, pas du tout. Les chèques sport ici, il n'y en a pas. Ils disent dans certaines communes, oui, mais dans la commune où j'habite, moi, non. Ça dépend de la personne. Moi, on ne veut plus m'aider, on me donne juste le minimex et c'est tout. Il n'y a plus que lui, il n'y a plus que ce monsieur de 45 ans. Ben, je me dis peut-être c'est mon seul espoir et que on en a vraiment besoin. C'est vrai que c'est un peu humiliant de demander de l'aide, mais quand on en a vraiment, vraiment besoin, et si ce monsieur veut aider vous le rembourserez, pourquoi pas. Vous le rembourserez? Ce serait difficile, je pourrais pas dire ça, ce serait difficile de rembourser étant donné que j'ai déjà énormément de factures. Ah ben ça a le mérite de l'honnêteté, c'est important dans une demande de dire quel est l'horizon et quelle est la trajectoire, ces 15 000 euros que vous souhaitez en don et non pas en remboursement. Parce qu'à un moment, c'est ça l'enjeu de la conversation, le débat dans le débat, c'est que quand on demande à quelqu'un, le quelqu'un doit arbitrer. Pourquoi cette histoire-là plutôt qu'une autre? Pourquoi Karina Sorin, avec son fils, atteint une tumeur au cerveau, plutôt que Yasmina Excel, dont les enfants ne savent pas aller au football? Nous sommes à Boitevillers. Olivier, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Ce monsieur est devant vous, il a 168 millions et il a dit « je veux aider ». Donc il ne va pas être dur à convaincre. « Je veux aider ». Qu'est-ce que vous lui demandez? Mon souhait, c'est d'adopter un deuxième enfant. On a adopté l'année passée, il y a 2 ans et demi, et on aimerait bien adopter un deuxième enfant. Ici, il faut compter entre 12 et 15 000 euros, donc... Votre premier enfant, c'est qui? Il vient d'où? Il a quel âge? Il vient du Niger, il a 3 ans et demi. Et c'est un rayon de soleil dans notre vie, c'est incroyable. On ne savait pas avoir d'enfant, donc c'était vraiment quelque chose qui était attendu depuis des années et des années. On a attendu 6 ans pour faire les démarches. Et on aimerait bien en avoir un deuxième, mais bon... Mais c'est juste parce que c'est sympa ou vous avez eu une urgence parentale, un besoin de paternité, quelque chose qui vous transcende? Vous en êtes là dans l'envie d'un deuxième ou c'est juste une envie furtive? Non, on a envie d'un deuxième parce que, bon, on aurait bien voulu déjà avoir une grande famille, donc ici c'est notre premier. Et puis surtout, c'est que nous autres, on a 45 ans, donc on ne peut pas... On peut pas voir ça, je veux dire, on peut pas attendre de trop, quoi. Donc. Vous avez l'âge du gagnant, hein. Vous avez l'âge du gagnant et on dit que lui est papa plusieurs fois. Ce sont des arguments donc qui pourraient jouer. Olivier, vous lui direz ça? La nature ne nous a pas aidés, mais vous pouvez le faire. Ouais, vous pouvez le faire et quitte à vous rembourser, on le fera. Vous rembourserez. Je suis chauffeur routier. Je travaille. Je fais la nuit, je fais la journée. Mais vous savez que demander, c'est prendre le risque qu'on dise non, hein, si cet homme vous dit non. Parce que vous lui dites, j'ai un désir de paternité, mais il vous dit non. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, c'est à la grâce de Dieu, quoi. C'est franchement à la grâce de Dieu. Si c'est possible... moi, si j'avais gagné, cette somme-là, mon souhait, ça aurait été d'ouvrir... J'ai beaucoup d'émotions, mais c'est d'ouvrir un orphelinat ici d'enfants. Ça, c'était vraiment mon souhait. Ah ben ainsi va la vie. C'est lui qui les a gagnés, les 168 millions. Et il veut partager une partie. C'est pas juste un enfant que vous voulez. C'est un désir de paternité qui transcende l'ensemble. Et c'est comme ça que je l'ai noté sur mon document dans cette demande que vous faites à cet homme de 45 ans dont on sait qu'il aime le football. Ça, c'est un argument qui pourrait intéresser Yasmine Excel puisqu'elle voulait que ses enfants jouent au football. On sait qu'il aime le foot et qu'il aime Robert De Niro. Le patron de la Loterie Nationale a parlé de lui comme un homme qui est capable de réfléchir et qui ne perd pas les pédales. Les demandes de Karine, de Yasmine, d'Olivier, Mélanie Joris, je viens vers vous avec un éclairage car effectivement, on s'est rendu compte hier très tôt qu'il se passait quelque chose en Belgique, puisque les sites des journaux ont enregistré les demandes par centaines hier. Oui, tout à fait. On peut en lire pas mal sur la page Facebook de RTBF Info, sous l'article qui correspond à ce gagnant de 160 millions d'euros. Alors, on peut lire, par exemple, le conseil de Coccinelle. Je lui souhaite de penser en priorité aux enfants malheureux ainsi qu'aux animaux. C'est ce qu'elle aurait fait avec cette somme d'argent. Ou encore le conseil de Nancy, qui qui rappelle qu'il y a des enfants qui meurent de faim et des pays où il n'y a pas encore l'eau potable. Et Joël qui cite, elle, les Restos du Cœur comme une bonne action à faire avec cet argent. Il y a aussi des demandes un peu plus personnelles comme celle d'Aris. Il explique vivre dans un appartement de 100 mètres carrés et qu'il n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois. Il prévient aussi le gagnant qu'il va lui envoyer son numéro de compte en message privé. Si le gagnant veut partager quelques milliers d'euros avec lui, eh bien il lui en sera très reconnaissant. On peut aussi repérer le message de Jalou qui donne le nom d'une ASBL internationale qui s'occupe, elle, de l'évangélisation et de la paix dans le monde. Il donne son numéro de téléphone pour être bénéficiaire d'un don. Et finalement, Nicole, eh bien, elle félicite le gagnant pour son bon cœur et pour son sens de l'empathie. Elle rappelle qu'on a tous besoin d'argent, mais elle lui conseille de se faire plaisir et d'aider ceux qui l'ont soutenu pendant toutes ces années. Il aura la capacité de réfléchir. Hein. Une fois encore, c'est quelqu'un capable de réfléchir qui ne perd pas les pédales, a dit la Loterie Nationale. La direction de la Loterie a vu ce monsieur. Nous n'en avons que le profil. Merci Mélanie d'avoir épinglé quelques demandes. Dans un instant, nous serons à Liège, où Françoise, veuve, a besoin d'une partie de l'argent de ce monsieur. Les plus beaux ballets du monde. Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette. Deux spectacles exceptionnels par le prestigieux ballet de l'Opéra National d'Ukraine à l'Ola Magna, le vendredi 2 et le samedi 3 décembre à 20h. 0900 40 850. Classical.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vous aimez les Volkswagen? Nous, chez Percy Motors, on les adore. Percy Motors. Le service d'abord à Wavre. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Saviez-vous qu'un tram de la STIB, c'est 40 tonnes d'acier et une très longue distance de freinage? Alors, si vous traversez sans regarder, vous risquez de vous prendre dans la figure l'équivalent de 20 rhinocéros lancés à toute vitesse. Et ça peut faire très mal. Soyez donc toujours très vigilants. Le tram a toujours priorité. Un message de la STIB. Trump ou Hillary? Ce samedi, avec votre journal Le Soir, c'est certain, ce sera une bûche. Le Soir et la brasserie du Buisson vous invitent à suivre la course à la Maison Blanche tout en dégustant une savoureuse bière bûche. Ce samedi, ne manquez pas votre bouteille de bière gratuite dans toutes les librairies avec votre journal. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Merci à vous, grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 euros et vous pouvez continuer à verser sur le compte BO 35, 8 x 0, 37, 37, bonsoir. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Et au 0 septembre, 2, 3, 3, 4, 6, 6, Zoé, les demandes à ce gagnant de l'euro-million, c'est un record. Personne n'avait jamais gagné autant en Belgique. Sont très nombreuses et concernent essentiellement des financements médicaux, apparemment. Oui, dont celui de Jean-Pierre de l'Écluse. Son Maine Coon, c'est-à-dire son chat Kimi, est en dépression depuis 6 ans. Il ne s'alimente plus et pour remédier à cette dépression, Jean-Pierre a dû consulter un vétérinaire. Résultat, les pilules pour Kimi coûtent 250 euros par mois. Une somme colossale pour Jean-Pierre qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. Il demande donc au gagnant de l'euro-million de financer le traitement de son chat pendant une dizaine d'années, le temps qu'il aille mieux. Il y a eu aussi Claudine de Huy, il lui faudrait 70 000 euros, mais même si elle n'avait que 14 000 euros, ça serait déjà un début, m'a-t-elle dit. Claudine a une association pour sa fille de 28 ans qui ne sait pas marcher. Le but de la SBL est de financer la thérapie de sa fille Cindy. Une année de thérapie coûte en moyenne 7 000 euros et c'est pour ça qu'il lui faudrait 70 000 euros, imaginons, pour financer sur un plus long terme la thérapie de sa fille. Et on comprend bien qu'on est vraiment dans une démarche solidaire ce matin, parce que certains demandent pour eux-mêmes, d'autres pour d'autres, avec des demandes Zoé pour relancer l'économie belge. Oui, et cette idée de Charlotte de Couillet, son mari travaillait à Caterpillar et elle demande aux gagnants de contribuer au relancement de l'économie belge en rachetant Caterpillar et en redonnant un travail à toutes ces personnes qui ont perdu leur job il n'y a pas si longtemps. Liège, et dansez vous qui le dites maintenant. Françoise, bonjour. Bonjour. Cette somme de 168 millions, elle pourrait vous aider. Vous avez besoin de ce monsieur. Vous avez besoin de le convaincre, mais pourquoi? pour acheter une pierre pour mon mari. Une pierre tombale ? Oui. Ça fait combien de temps que votre mari est là, sans pierre tombale ? Au mois de septembre 2015. C'est un budget de combien ? 1000 euros. Cette pierre tombale, elle est prioritaire ? Elle est très importante ou elle est facultative ? Elle est très importante, comme ça on peut faire notre deuil. Sans ça, vous n'y arrivez pas ? Non. Quand vous allez au cimetière, alors quelle est l'image ? Qu'est-ce que vous voyez s'il n'y a pas de pierre tombale ? De la terre. Il aurait aimé ça, votre mari ? Il le méritait. Vous voulez quoi comme pierre tombale ? N'importe. Choisis. Comment il doit arbitrer ça, ce monsieur ? Il a 168 millions, il est dans une démarche de générosité, mais il y a beaucoup de vivants qui demandent. Et vous, vous demandez une pierre tombale pour quelqu'un qui n'est plus là. Il y a une importance symbolique forte pour vous, mais le monsieur va devoir arbitrer entre des vivants et vous. Comment faire ce choix ? Je sais pas. Ça me fera du bien et... Voilà. Françoise, votre mari avait quel âge ? 58. Vous allez régulièrement au cimetière ou pas ? Oui. J'ai une fille de 17 ans. Vous pourriez aller devant ce monsieur qui a gagné 168 millions, lui demander l'argent pour une pierre tombale et aller lui montrer l'état dans lequel est votre mari ? Vous pourriez aller lui montrer ? Oui. Et s'il vous dit non ? Tant pis. C'est quoi votre alternative ? Si ce monsieur ne vous aide pas, comment vous trouverez l'argent de cette pierre tombale ? Je ne sais pas, je verrai bien. Je ne sais pas. Vous avez pensé à lui dès qu'on a appris, hier, avant-hier, qu'il y avait eu un gagnant ? Ou c'est ce matin ? Non, c'est ce matin que j'ai pensé autrement. Pensez quoi de cet homme qui est généreux ? Il a 168 millions, il aurait pu partir avec la caisse, loin, là-bas, aux Bahamas, et il veut aider. Vous pensez quoi de ce monsieur ? Ben, c'était un brave homme, en tout cas. S'il veut aider, qu'il le fait, c'était un brave. Vous pensez quoi de Gaspard et Martial qui, tout à l'heure, dans la première partie, ont été francs, mais chacun, évidemment, son avis dans cette conversation ? Eux deux ont estimé que ceux qui demandaient étaient des profiteurs. Non, je crois pas. C'est là, tout le monde a besoin, et il y en a qui ont plus besoin, il y en a qui ont moins besoin. S'il peut aider, ça lui fera... Et il sera récompensé un jour, c'est sûr et certain. C'est ça la démarche, c'est ça le message que vous lui envoyez. Donnez, vous serez récompensé. Et il sera récompensé comment ? Ça, quand il ira au paradis déjà. Vous rembourserez 6 000 euros, Françoise, vous ne pourrez pas les rembourser ? C'est pas 6 000, c'est 1 000 euros, moi. 1 000, bien sûr, 1 000. Vous pourrez les rembourser ou pas ? Je pourrais, oui, mais à 50 euros par mois. Ok, c'est une demande franche, puisque quand on demande, il faut aussi pouvoir dire quelle est la trajectoire. Et certains, avec leurs finances, ont dit « moi, je ne pourrais pas rembourser ». Au moins, la donne est claire. Yasmina XL, tout à l'heure, demandait un don de 15 000 euros. Vous pourriez envisager 1 000 euros pour la pierre tombale de votre mari, parti à l'âge de 58 ans. Cet homme a fait un geste de générosité. Ce sont ses premiers mots. Il veut aider les Belges. Un Belge est à Braine-le-Château. Cathy, bonjour. Oui, bonjour. Ce monsieur est devant vous. Vous lui dites quoi ? Je voudrais lui dire qu'il est vraiment généreux et pour moi, il est croyant. Et ça vous épate, et cette générosité ? Donc il a 168 millions, ça vous épate ? Oui, absolument, je n'ai jamais vu ça, oui. Vous l'auriez fait, vous, directement dire aux gens de la Loterie Nationale autour de vous, qui pensent peut-être placement économique ? Vous auriez dit aussi, non, je veux verser l'argent et aider ? J'aurais fait la même chose avec une telle somme. Je pense qu'on doit aider les gens qui sont démunis. Et aujourd'hui, il y a une grande pauvreté. Et, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin de quoi ? Moi, aujourd'hui, je n'arrive plus à payer ma maison. Je risque de la perdre. Et de plus, je suis endettée. Et par rapport à ça, donc, même pour faire mes courses, j'ai utilisé mes cartes Visa qu'on m'a retirées aujourd'hui. Donc, je suis endettée. Vis-à-vis de mon crédit. Cathy, il faudra lui dire le chiffre à un moment, hein, ce monsieur. Quel est le montant dont vous avez besoin ? Pour bien m'en sortir, pour vraiment être heureuse avec mes enfants et pouvoir rembourser 50 000 euros. Voilà. C'est un gros montant dans votre perception ? C'est un gros montant ou ça vous semble raisonnable par rapport à 168 millions ?

Vous connaissez sans doute le visage d'Alizée Poulitschek, cette ancienne Miss Belgique. Eh bien, son compagnon s'est présenté à la prison mercredi parce qu'il préfère passer 6 mois en prison plutôt que de prester 60 heures de travail d'intérêt général. Un rapide contexte, cet homme s'appelle Philippe Meert. Il a déjà connu la prison en 2001 pour une affaire de fraude à la TVA. Il est resté plusieurs mois en détention apparemment. Et cette fois, il a été condamné par le tribunal pour tout autre chose, pour un incident de la route en 2015. Il avait cassé le rétroviseur d'une Mercedes qu'il avait houspillée. Et donc le tribunal lui dit, vous êtes condamné monsieur à 60 heures de travail d'intérêt général, mais cet homme, Philippe Meert, a apparemment une haine énorme vis-à-vis de la justice et il dit, moi je veux pas les faveurs d'une telle organisation, je veux pas, j'aime encore autant aller en prison. C'est ça la question qui dérange. Qui dans ce pays préfère aller en prison vu ce qu'on nous en dit? Mélanie Joris, vous cherchez donc dans ce dossier le bon interlocuteur et comme je le disais tout à l'heure, ce ne sera pas Philippe Meert puisqu'il est en cellule. Oui, mais ce sera sa compagne, on pourra parler avec Alizée Poulitschek, la compagne donc de Philippe Meert. Alors, pour comprendre la démarche de son compagnon, il faut remonter à 2001. C'est de cette époque que date sa rancœur vis-à-vis de la justice. Il est alors condamné à 4 ans de prison pour une histoire de fraude à la TVA. Il passera 3 ans en prison et portera pendant 1 an un bracelet électronique. Alors à l'époque, c'est lui pourtant qui avait dénoncé les faits à la justice et depuis, eh bien, il a l'impression d'être devenu un pion, le coupable idéal qui paye pour tous les autres. Et l'année dernière, eh bien, il est condamné pour un comportement agressif sur la route. Le parquet lui a proposé une médiation qu'il a refusée sur le champ. Le juge l'a alors condamné à une peine de 60 heures de travail d'intérêt général. Mais l'homme ne fait pas confiance à la justice. Il n'accepte aucun compromis et préfère aller jusqu'au bout de son combat. En allant en prison, eh bien, il veut médiatiser son cas et obtenir une chose, la création d'une commission indépendante pour statuer sur les erreurs judiciaires. Ah, médiatiser, d'accord. Mais en attendant, il y a un parcours en détention. Hein. Donc ici, c'est de la détention ferme. Vous avez dans ce dossier un éclairage. Vous auriez peut-être fait le même choix, laisser un éclairage à Zoé au standard. Et le problème pour Thierry Detrault, c'est qu'il n'aurait pas fait le même choix. Pour lui, ce monsieur n'est qu'un petit bourgeois. Toute personne venant d'un milieu modeste, toute personne qui a une moindre notion de la réalité, n'aurait pas pris les 6 mois de prison. Personne ne veut perdre son temps comme ça. Personne ne veut s'enfermer dans un milieu carcéral, hormis des nouveaux riches qui ont besoin de pousser les limites pour se sentir vivant, m'a confié Thierry. Quel genre d'homme préfère la prison alors qu'on dit que c'est l'enfer en Belgique? Eh bien, rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur le gagnant des 168 millions de l'Euromillion. Cet homme a 45 ans et il veut aider en versant une partie de son argent. Ce sont ses premiers mots. Je veux verser une partie de mon argent à une œuvre caritative. Qui? Quelle association? Avez-vous besoin de lui? 070-233-466 et par SMS au 3063, avec, vous l'avez entendu depuis le début de cette seconde partie, une série de demandes qu'il est très difficile d'arbitrer, tant elles sont personnelles, urgentes et intimes parfois. 070-233-466 à Quem maintenant. Claudio, bonjour. Bonjour. Dites un montant si vous avez besoin. Quel montant? 25 000 euros, monsieur. En fait, c'est pour payer des factures, tout ça, le loyer, je suis en retard. Et bon, en fait, je suis en remboursant, bien sûr, si il veut bien. Bon, voilà quoi. Bon, mais si 25 000 euros, ce sont des factures qui sont là en suspens depuis quoi? 10 jours, 5 jours, 1 an, plus? Non, ça fait même 6 mois, quoi, monsieur. Il va vous demander peut-être, pourquoi ce monsieur? Pourquoi vous ne payez pas vos factures, monsieur Claudio? J'ai 900 euros de chômage, je n'arrive plus, quoi. Bon, voilà quoi, je verse une pension alimentaire et quoi, voilà quoi. Comment il peut être sûr, ce monsieur, qu'en vous donnant une seule fois 25 000 euros, vous êtes sauvé? Parce qu'avant vous, Cathy Abren-le-Château, qui va bientôt perdre sa maison, a dit « Moi, si on me donne 50 000, c'est sûr, je suis sauvé définitivement. » Mais si je suis sauvé, monsieur, il n'y a pas de problème, je suis sauvé. Et vous pourriez lui demander à ce monsieur ou c'est gênant d'aller demander à quelqu'un? C'est gênant, mais bon, voilà, quoi. Comme j'en ai vraiment besoin, bon, s'il sait m'aider, éventuellement, s'il ne sait pas, bon, voilà, quoi. Mais il vous dira, il y a un CPS, monsieur. Il y a des médiations de dette, éventuellement, monsieur. Oui, c'est bien, mais bon, voilà. Mais après, il va retirer sur le chômage, et quelque chose, voilà, quoi. C'est ça qu'il a. Vous le rembourserez, ce gagnant, ou à 168 millions, vous estimez qu'il n'a pas besoin de remboursement? Je ne sais pas, c'est comme il veut, monsieur. S'il sait m'aider, il n'a pas de problème, je peux le rembourser. S'il ne veut pas que je le rembourse, bon, voilà, quoi. S'il sait m'aider, c'est généreux pour lui, quoi, s'il veut bien, quoi, monsieur. Ah, donc vous attendez qu'il vous en parle? C'est pas vous qui allez amener la question du remboursement sur la table? Vous attendez qu'il vienne? Moi, s'il peut, me contacter, je lui demander comment ça fonctionne, parce qu'il veut que je le rembourse, bon, il n'a pas de problème, monsieur, voilà. Mais lui, apparemment, il vise une œuvre caritative, donc est-ce que ça colle? Il dit, je veux verser mon argent à une œuvre caritative, donc une œuvre peut-être au service d'un maximum de gens. Vous, si on paye vos factures, on n'aide que vous, ou on aide une famille? Non, au moins que moi, quoi. Voilà, quoi, monsieur. Claudio, cet argent, il est urgent, vous pouvez tenir encore un peu. Bah, bon, il faut qu'on dise un mois et demi, quoi, voilà, de là aussi, monsieur. Vous allez essayer de le trouver, vous allez essayer de chercher son nom, de le trouver, de lui parler. Non, si vous savez le contacter éventuellement, et bon, voilà, quoi, monsieur. Ah ben je suis franc avec vous et je vous dis le phénomène depuis hier en Belgique, des centaines de Belges se manifestent vers les médias pour demander un contact avec ce monsieur que je n'ai pas, soyons francs. 10h41, nous allons à Liège dans un instant. D'abord le 070-233-466, Zoé, une demande, aider toutes les personnes qui touchent le CPS, toutes. Oui, cette demande, c'est Christelle de Rebec qui l'a fait. Elle me le dit, le gagnant d'Euromillions cherche une fondation ou une ASBL à aider. Eh bien, qu'il fonde sa propre ASBL qu'il pourrait appeler les amis du CPAS. De cette façon, il reverserait de l'argent à toutes les personnes qui sont dans le besoin et toutes les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Christelle demande donc à ce monsieur d'aider toutes les personnes pauvres de Belgique. Liège, dans C'est vous qui le dites. Josiane, bonjour. Bonjour, c'est Benjamin. D'autres ont des problèmes de santé, d'autres ont des problèmes et des envies de paternité. Pourquoi il vous faut de l'argent pour un toit? C'est prioritaire, Josiane, un toit? Ben oui, je trouve que oui. Pourquoi? Ben écoutez, s'il casse, qu'est-ce que je vais faire, moi? Il est sur le point de casser? Ben et on m'a dit que s'il y avait trop de neige, il risquait de casser. La menace est imminente. Ben, oui, je pense. Il est dans quel état, votre toit? Vous pouvez nous le décrire? Parce qu'il faudra dire à ce monsieur, un toit, ben, tout le monde a un toit. Les tuiles s'enfoncent, il y a un bois qui part en vrille, et les bois se laissent aller, quoi, en dessous des tuiles. Vous savez qu'on arrive dans la période d'hiver, c'est l'automne pour l'instant, ben, oui, mais vous vivez avec cette crainte de neige? Ben oui. Combien? Oui, que voulez-vous que je fasse d'autre? Je ne saurais pas me permettre d'en faire un, donc voilà. Il y a dans le portefeuille de ce monsieur 168 millions. Oui, je sais. Combien? Combien? Moi, c'est 10 000 qu'on m'a dit. 10 000? Oui. Pourquoi il devrait vous les donner, Josiane? Bah, écoutez, je ne demande pas qu'il me les donne vraiment, mais s'il pouvait faire un geste, voilà, donc ça m'arrangerait. Mais c'est quoi un geste? C'est vous les prêter? Parce que si c'est vous les prêter, il y a la banque. Prêter, non, je ne saurais pas me permettre de rembourser parce que sinon j'aurais fait un prêt moi-même. Donc vous voulez un don? Oui, un don, oui. Et ça, vous oserez lui dire clairement, je veux un don, ou vous allez zigzaguer, micmaquer pour ne pas lui dire que vous ne rembourserez pas? Non, je serai direct. Un don? C'est préférable. Moi, je trouve que quand on parle à une personne, il faut lui dire la vérité, quoi. Mais vous me dites s'il peut faire au moins une petite partie, alors demandez à l'entrepreneur de payer en plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est possible. Je n'ai même pas demandé parce que, bon, voilà. Et vous, à 168 millions, Josiane, honnêtement, vous auriez eu le même réflexe comme première phrase, je veux verser l'argent? J'ai souvent pensé que si j'avais gagné, j'aurais dit certaines personnes, mais peut-être pas tout le monde, c'est pas possible. Vous aviez joué à l'Euromillion? Oui. Vous aviez joué? Oui, j'ai joué, oui. C'est lui, pas vous. Et beaucoup de Belges se sont dit ça, effectivement, cette semaine. C'est lui, pas moi. 168 millions... Et c'est un petit 10 000 qu'il vous faudrait. Allons à oui maintenant, alors qu'on laisse votre toiture dans un péril à Liège, Josiane. Oui maintenant. Henriette, bonjour. Bonjour. Il vous faut un gros montant ou un petit montant? Ben, 10 000. C'est pour faire quoi? Ben, disons que mon mari a été opéré au mois d'avril d'un défibrillateur au sertillement. Et au lieu de mettre 3 fils qui vont au cœur, on devait lui en mettre 3. Conclusion, je dois au sertillement, je dois à la clinique, tout s'accumule parce que bon, j'ai 68 ans, je vais encore travailler. C'est pour réparer une mauvaise opération ou une erreur médicale? J'ai pas compris, Henriette. Je ne sais pas si c'est une erreur médicale. Bon, il devait mettre 3 fils qui va au cœur à mon mari et ils n'en ont mis qu'un. Conclusion, mon mari doit repasser sur la table. Mais il y a la mutuelle. Pourquoi vous allez vers celui qui veut aider alors qu'il y a la mutuelle? Mais oui, monsieur, il y a la mutuelle. La mutuelle, le défibrillateur coûte 15 000 euros. D'accord? Parce que c'est le médecin lui-même qui me l'a dit. Maintenant, c'est de nouveau recommencé. Et on donne 900 euros pour la première opération. S'il n'y a pas l'opération, si on ne donne pas 10 000 euros, si ce monsieur ne vous aide pas, qu'est-ce qui arrivera à votre mari, Henriette? Je n'en sais rien, monsieur. Et là est l'urgence, parce qu'il y a un point d'interrogation. C'est à chaque fois ça, hein, la difficulté dans ces dossiers. C'est de distinguer la priorité de l'un ou de l'autre. Et chez vous, ce n'est pas une issue fatale. Donc, c'est une interrogation. Henriette, oui. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant, l'homme qui préfère aller en prison, le compagnon d'Alizé Poulitschek. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Avec Viva Bruxelles. Samedi, de 14h à 16h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Cette semaine, la Grande Évasion vous emmène à Barcelone. Avec ses merveilles architecturales, ses vieux quartiers, ses tapas et son soleil perpétuel. Nous vous offrons un séjour à l'hôtel Racol del Pi qui présente un point de départ idéal pour visiter la ville. Vous êtes déjà allé à Barcelone? Racontez-nous vos aventures sur la page Facebook de l'émission. La Grande Évasion avec Philippe Jauniaux et Audrey. Vous avez un projet d'aménagement extérieur? Du 15 au 29 octobre chez Bourguignon-Bois, conditions exceptionnelles sur une sélection de planchers de terrasses et bardages. Bourguignon-Bois, depuis 3 générations. Écoute, conseils et solutions sur mesure. Notre passion du bois s'expose dans notre showroom de Wallin, E411, sortie 10 et sur bourguignonbois.be. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon? C'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein? Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Écoutez ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel! Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Le compagnon d'Alizé Poulitschek préfère la prison à 60 heures de travail d'intérêt général. Mais quel genre d'homme préfère la prison? Avant d'interpeller Alizé Poulitschek, dernier éclairage, Zoé au standard. Et le problème pour Bernard Danus, c'est que ce type souffre d'un gros syndrome du justicier. Il a l'impression de lutter pour la bonne cause, alors qu'en vrai, il ne lutte que pour lui-même. En résumé, un égocentrique parano de plus dans notre société, nous dit Bernard. La compagne de ce monsieur est en ligne, Alizé Poulitschek, bonjour. Oui, bonjour. Essayons d'avoir les informations pour bien comprendre le parcours. Votre compagnon avait déjà été en prison, mais combien de temps? Il avait été condamné en 2001 à 5 ans de prison. Et il en a fait de ces 5 ans 4. Il a gardé quel souvenir de la prison? Il vous a dit que c'était un moment rude, intense, ou il vous a dit « ça va » Non, ça a été très rude et très intense, évidemment. Et surtout dans son cas où lui, il n'a pas compris du tout ce qu'il se passait. Il a été interrogé une fois par des enquêteurs pendant une heure. Et puis on l'a emmené. Et puis le procès a eu lieu. Il est allé en prison. Et en étant innocent, parce qu'il avait, strictement rien à voir là-dedans, c'est même lui qui avait finalement déclaré aux autorités qu'il y avait un problème et qu'il avait l'impression que sa société était liée à un carrousel TVA. Donc lui, il a vécu la prison en se disant chaque semaine, c'est une blague. Injustice. Alors... Et surtout, le fait de se dire, je vais sortir, je ne vais pas rester ici, c'est impossible, c'est irréaliste. Alors nous voici quelques temps plus tard. Nous voici quelques temps plus tard. C'est un problème de roulage. Il a cassé le rétroviseur d'une Mercedes qu'il avait houspillé alors que lui était en Vespa. Et il ne prend pas les 60 heures de travail d'intérêt général. Est-ce que vous, sa compagne, vous lui dites, chérie, ne prends pas la prison, reste avec nous? Ou vous comprenez sa démarche? Je comprends 100% sa démarche. Évidemment, ça a été difficile parce que c'est jamais agréable de devoir accompagner son homme en prison et de savoir qu'il va y passer plusieurs mois. Maintenant, c'est vrai que l'histoire du rétroviseur, Voilà, c'est, quelque part, c'est un détail et c'est une manière de revenir sur le devant de la scène. Il aurait pu très bien aussi, tout au début, simplement payer pour le rétroviseur. Un rétroviseur, ça coûte combien ? 250 euros peut-être. Et pourquoi il ne le fait pas ? L'affaire aurait été réglée. C'est une question de principe. Il y a eu la prison à l'époque. Bon, la prison, ça remonte à il y a 15 ans. Toute cette histoire remonte à 15 ans. Beaucoup de personnes pourraient dire, mais enfin, pourquoi il laisse pas ça? Ok, c'est horrible, c'est moche. Il a été finalement condamné. Dans quelle prison il avait été? Il y a 15 ans, c'est quelle prison? Du côté néerlandophone, à Anvers, à Mechtplaats, à Bruges. Il en a fait quand même quelques-unes. Je vous repose la question, Lise Politschek. Vous l'avez conduit à la prison ici, à la détention mercredi. Vous lui avez pas dit de renoncer? Vous étiez d'accord avec sa décision? Non, parce que je comprends son combat. C'est un combat qui dure déjà depuis le début de cette histoire, il y a 18 ans. Donc ça, il a tout essayé. Ils ont été en appel, ils ont été après à la Cour de cassation. Ils ont même reçu le ministre de l'époque de la Justice, Stéphane Desclercq, avait utilisé son droit d'injonction pour que lui puisse avoir une réouverture de son dossier et que le dossier passe en cassation. Mais le dossier d'avant, c'est le dossier d'avant. Ici, avec 60 heures de travail d'intérêt général, l'affaire était pliée. Oui, mais c'est un combat qui continue à durer. Le problème, c'est que la prison, ok, c'est 4 ans qui sont déjà passés qu'on va pas pouvoir lui rendre. Mais il n'y a pas que la prison. Dans sa condamnation en 2001, il y avait aussi une énorme amende, parce qu'il s'agit ici de fraude à la TVA. Donc il a eu une amende qui lui est tombée sur sa tête de plus de 6,5 millions d'euros. Ici. Entre-temps, 15 ans plus tard, ça monte, allez, ça a monté à une quinzaine de millions d'euros avec tous les intérêts qui courent. Donc qu'on se comprenne bien, parce que l'histoire est limpide pour vous. Il y a ce dossier de 2001. Ici, il est en prison donc pour cet incident de roulage. Est-ce que depuis mercredi, vous avez été lui rendre visite en prison ou pas encore ? Non, pas encore. Je suis déjà heureuse d'avoir pu la voir au téléphone 30 secondes hier soir. Il est bien ? Mais pour le moment, il est pour le moment, il dit qu'il est bien traité et que quelque part, voilà, tout le monde l'accueille de manière assez positive aussi dans les médias. Beaucoup de gens le soutiennent parce que beaucoup de gens ont eu des problèmes avec la justice et ont été confrontés justement à cette non-transparence et à cette manipulation. Et la justice fait un peu ce qu'elle veut quelque part. Il y a des manipulations de dossiers, il y a beaucoup finalement de choses qui se passent dont nous on n'est pas au courant. Et à un moment donné, lui c'est son combat aujourd'hui. Donc quelque part, oui, ça part d'un rétroviseur cassé, mais... C'est pour mener un combat et un message face à la justice. Voilà pourquoi cet homme a préféré la prison et ça répond à notre question qui dérange de ce matin. Alizé Politschek, merci pour le récit, vous êtes sa compagne. On va vers les enseignements dans un instant. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique. Le week-end des 15 et 16 octobre, de 11 à 18 heures, vieux chemin de Grupon à Bure. Étienne Piron, symbole de qualité. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abio, fenêtre, porte, véranda. Abio.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. Leçon numéro 13 du Kamasutra. Regardez attentivement le label énergétique pour choisir votre nouvelle chaudière. Il vous dévoile si elle est économe. Avec un label A, vous faites du bien à l'environnement et à votre consommation. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Et grâce au label énergétique, il est maintenant encore plus facile de choisir une chaudière super économe. Plus d'infos sur infomazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. L'homme qui préfère aller en prison pour pointer du doigt la justice. Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Vous êtes 42 534 sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Ce commentaire de Michel, elle écrit qu'elle a une fois demandé pour faire pareil. Michel avait reçu un PV pour excès de vitesse sur tronçon dangereux. Elle a eu un retrait de permis et sans permis, Michel ne savait plus se rendre au travail. Elle a donc demandé pour aller en prison à la place. Son avocat lui a répondu que ce n'était pas possible car il n'y avait plus de place en prison. Ça, c'est le commentaire de Michel sur notre page Facebook. À 9h, vous avez choisi une conversation sur ce gagnant de l'Euromillion, 168 millions, et ce monsieur de 45 ans veut aider en versant une partie. Avez-vous besoin de lui ? Dans les enseignements de ce matin, on retiendra la difficulté d'arbitrer, incarnée par deux confrontations de demandes. Karina Serin, qui a besoin de 25 000 euros pour sauver la vie de son fils, alors que Josiane à Liège a besoin d'argent pour un toit qui risque de souffrir de la neige. Autre confrontation très difficile à arbitrer. 10 000 euros pour Henriette qui ne sait pas sans cette somme ce qui adviendra de son mari face à Françoise qui veut 1 000 euros pour une pierre tombale. Un message encore, sans ambiguïté, nous ne sommes pas le relais de ce monsieur. C'est simplement le reflet d'un phénomène qui concerne des centaines de Belges depuis hier en attente ou en demande. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Maria d'Affligem. La fille de Maria est atteinte d'une polynéphrite polykystose. Elle a une trentaine de kystes au rein gauche, une vingtaine de kystes au rein droit. Et Maria a besoin de 12 000 euros pour subventionner l'opération de sa fille. Impossible de payer pour elle en ce moment à cause du cancer de son mari qui est hospitalisé. Aujourd'hui, Maria appelle à l'aide et envoie un SOS aux gagnants de l'Euromillion. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur le Belge qui fait naître un espoir énorme parmi les moments de ce matin. Il y a eu Karine de Serein à 10h15. Elle réclame la somme de 10 000 euros aux gagnants de l'Euromillion. Pour aider mon petit garçon atteint d'une tumeur au cerveau. C'est pour les soins immunitaires qu'on doit faire à l'étranger parce qu'ici, il ne passe rien à faire. Vous avez besoin de quel montant ? 25 000 euros. Vous oseriez aller lui demander ? Bien sûr. Et s'il ne donne pas ? Ben tant pis, je recommencerai à faire des fêtes et des fêtes et des fêtes pour avoir de l'argent. Je suis maman seule, je suis au CPS. Le papa nous a abandonnés depuis que j'étais enceinte du deuxième, du petit. Et donc je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Est-ce que vous demandez un gros montant ou vous demandez une aide par mois ? Par mois, non. J'aurais voulu juste demander un bon 15 000 euros pour démarrer, pour payer toutes mes factures. Mon souhait, c'est d'adopter un deuxième enfant. On a adopté il y a 2 ans et demi et on aimerait bien adopter un deuxième enfant. Ici, il faut compter entre 12 et 15 000 euros. Donc, si c'est possible... moi, si j'avais gagné cette somme-là, mon souhait aurait été d'ouvrir un orphelinat. Pour acheter une pierre pour mon mari. Une pierre tombale ? Oui. C'est un budget de combien ? 1 000 euros. Pensez quoi de cet homme qui est généreux ? Il a 168 millions. C'est un brave homme, en tout cas. S'il veut aider, qu'il le fait, c'est un brave. Et il sera récompensé un jour, ce sera certain. Et il sera récompensé comment ? Quand il ira au paradis, déjà. J'aurais fait la même chose avec une telle somme. Je pense qu'on doit aider les gens qui sont démunis. Quel est le montant dont vous avez besoin ? Pour bien m'en sortir, pour vraiment être heureux avec mes enfants et pouvoir rembourser 50 000 euros. Sur 168 millions, non, c'est pas un gros montant. Ça vous sauve totalement. Ça me sauve absolument. L'homme qui suscitait un espoir. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. À lundi.